France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Là où il y a des lapins, il n'y a pas de lièvres. Et là où il n'y a pas de lièvres, il n'y a pas de lapins. Voici un cours zoologique. Qui va-t-on suivre dans cette pièce? Le neveu Gontran, par exemple. Gontran, qui entretient une demoiselle. Le neveu est joué par un certain Guy Bedos, pas encore célèbre, qui vient taper son oncle, lequel oncle se fait toujours appeler Zizi par sa maîtresse. Laquelle maîtresse, etc. Mais là n'est pas l'important. Il faut toujours avoir en tête ces deux certitudes. Premièrement, il y a toujours un monsieur qui désire parler à monsieur. Et deuxièmement, le vrai mari, c'est l'amant. Monsieur Chasse, de Georges Feydeau, première diffusion sur la chaîne nationale le 9 octobre 1955. La radiodiffusion Télévision française vous invite à écouter par transmission différée le spectacle actuel du Théâtre de la Renaissance à Paris. Directeur Jean d'Arcante. Dans quelques instants, vous entendrez une comédie en trois actes de Georges Feydeau, Monsieur Chasse. La mise en scène a été réglée par Jean d'Arcante. Décor de Rosine Delamare. Voici André Ransan qui vous présente ce spectacle. Georges Feydeau fit un jour sur lui-même cette confession. Je me porte à merveille. Ne vous étonnez pas si je suis triste. Telle est en effet ma disposition habituelle. Je ne ressemble point à mes pièces que l'on s'accorde à trouver réjouissantes. Je suis mauvais juge en ces matières. Je ne ris jamais au théâtre. Je ris rarement dans la vie privée. Tel fut en effet Feydeau, un triste qui faisait rire et qui continue à faire rire le monde entier. C'est d'ailleurs, on le sait, l'une des caractéristiques de ceux qui amusent, de ne pas s'amuser eux-mêmes, comme si la dose d'optimisme et de rire qu'ils portent en eux ne devait servir exclusivement qu'à dérider les autres. Oui, tous les comiques, auteurs ou acteurs, sont tristes. Et Feydeau, certes, fut un grand comique, peut-être, selon Marcel Achard, le plus grand après Molière. Car voilà plus d'un demi-siècle que Georges Feydeau fait rire l'humanité. Quelle mission et quel destin! Si Feydeau est un grand comique, avouons que, comme tous ceux dont il est le frère spirituel, il est aussi un grand philanthrope. On a toujours admiré avec juste raison la manière, ou plus exactement la technique de Feydeau. C'est encore lui-même qui nous fait cette confidence sur sa méthode de travail. Quand je commence une pièce, il me semble que je me verrouille dans un cachot et que je m'en évade quand je la termine. Oh non, je ne suis pas de ceux qui enfantent dans la joie. En arrangeant les folies qui déchaîneront l'hilarité du public, je n'en suis pas égayé, je garde le sérieux, le sang-froid du chimiste qui dose un médicament. J'introduis dans ma pilule un gramme d'imbroglio, un gramme de libertinage, un gramme d'observation. Je malaxe du mieux qu'il m'est possible ces éléments et je prévois presque à coup sûr l'effet qu'ils produiront. Il prévoit presque à coup sûr les effets. Disons qu'il n'en rate jamais un seul, et quand on sait toutes les surprises que peut réserver une pièce dans son passage du manuscrit à la scène, on reste confondu d'admiration devant un tel prodige. Toutes ces qualités, notamment cette merveilleuse fertilité d'invention et cet extraordinaire mécanisme d'horlogerie dramatique, nous les retrouvons dans M. Chasse, que vous allez entendre. Dans cette pièce, comme dans toutes celles qui vont du dindon à Occupe-toi d'Amélie, en passant par la puce à l'oreille, la main passe, un fil à la patte, et ce chef-d'œuvre, la dame de chez Maxime, un mouvement endiablé emporte tous les personnages dans une aventure d'une irrésistible bouffonnerie. Ici, dans M. Chasse, l'action suit un extraordinaire crescendo. Le premier acte débute sagement en comédie. Puis, dès le deuxième acte, le vaudeville se déchaîne jusqu'à la fin de la pièce, avec un troisième acte absolument étourdissant de verve et de comique, l'un des meilleurs que Fedot ait écrit. Raconter une pièce de ce genre, impossible. Il faut l'entendre ou l'avoir joué, participer soi-même aux tribulations des héros, se laisser entraîner parmi les coups de théâtre, les rebondissements, les surprises qui se succèdent, s'enchaînent, se pénètrent dans un tourbillon échevelé. En ce qui concerne M. Chasse, sachez donc seulement, pour vous mettre sur la voie, que l'action se déroule à Paris vers 1890 et met en présence Duchotel, un passionné de la chasse, mais pas toujours celle du vrai gibier à plumes, et sa femme, la jolie Léontine, que courtise effrontément Morisset, un ami du ménage. C'est entre ces trois personnages, auxquels viendront se joindre Gontran, neveu de Duchotel, et Cassagne, un autre ami, que se déroule l'intrigue. Là-dessus, nous vous laissons au plaisir de découvrir vous-même les folles péripéties de l'aventure. Sachez encore pourtant que des comédiens de qualité tels que René Saint-Cyr, Jacques Morel, Robert Wattier, Madeleine Lambert, Marcel Vallée prêtent à l'œuvre de Fedot leur talent, leur fantaisie et leur esprit. Et que Jean d'Arcante, par une mise en scène très vivante, a donné à l'œuvre de Fedot le véritable rythme qui convient à l'épanouissement de sa gaieté naturelle. Le décor du premier acte représente un salon chez Duchotel. Au fond, porte d'entrée. À gauche, une porte donnant sur l'appartement de Léontine. À droite, porte ouvrant sur la chambre de Duchotel. Au lever du rideau, Léontine et Morisset sont assis devant une table en train de fabriquer des cartouches. Léontine! Non! Continuons nos cartouches! Enfin, je vous en prie! Non, là, bourrez donc! Je bourre! Mais enfin, qu'est-ce que ça vous fait, Léontine? Oh! Non, non, non, là, vous entendez? Bon, très bien, c'est très bien pour la première preuve d'amour que je vous demande. Ah, la première, merci! Vous commencez par la dernière! Oh, si vous avez des numéros d'ordre! Mais enfin, qu'est-ce que je vous demande après tout? Rien qu'une chose toute naturelle entre gens qui sympathisent. Votre mari s'en va à la chasse. Je suis son meilleur ami, il est tout simple que je vous demande de me consacrer à votre soirée. Mais comment donc? Jusqu'à demain matin. À demain matin de bonne heure, parce qu'il faut que je sois à 8h à mes affaires. Alors. Quand vous m'en lirez de l'ombre. Oh, Léontine, vous n'avez pas confiance en moi. Mais voyons, grand insensé. En admettant même que je veuille en faire ce que vous demandez. Et vous ne pensez donc pas que j'ai ma réputation à sauvegarder? Et qu'est-ce qu'on dirait? Les domestiques, le concierge, s'ils s'apercevaient que je ne rentre pas ce soir. Oh, oh, ben quelle gorge chaude! Vous voyez toujours les choses par leur petit côté. Comme si une femme ne trouvait pas toujours à donner le change pour ces machines. C'est aussi facile, oui. 29! Oh oui, 29. Enfin, vous n'êtes pas sans avoir une parente à la campagne. Oui, ma marraine. Eh bien, votre mari s'absente et vous allez chez votre mari. Oui, d'accord. Et en chemin, je bifurque, n'est-ce pas? Et je m'arrête 40 rue d'Athènes, dans le petit pied-à-terre de Monsieur Morisset. Oh oui. Non, mais vous me voyez allant dans votre appartement de garçon? Mais très bien. Oh, tenez-vous m'amuser. Oh, c'est drôle, ça. Mais puisque c'est tout près, voyons, vous le savez bien. Oh, ben voilà une raison. Alors, je me demande vraiment pourquoi, quand je vous ai confié à vous seul, car j'ai pris soin de ne pas en ouvrir la bouche à votre mari, que j'avais l'intention de prendre une petite garçonnière et que j'hésitais entre plusieurs appartements, vous m'avez dit, louez donc celui-là, nous serons tout prêts. Ah, quand vous m'avez dit ça. Mais je n'ai eu de cesse que je n'ai eu mon bail en poche. Moi, j'ai marché sur tout. L'appartement était occupé par une brave locataire, mademoiselle urbaine des voitures, qui n'avait contre elle que l'irrégularité avec laquelle elle payait son terme. J'ai obtenu son expulsion du propriétaire. Était-ce d'un chevalier français? Non. Non, seulement vous m'aviez dit, louez donc celui-là, nous serons tout prêts. Alors, Eh bien, je ne vois pas le rapport. Eh ben voilà où nous avons deux natures différentes. Et quand vous m'avez dit, louez donc celui-là, nous serons tout prêts. Moi, j'avais compris. Enfin, ça. Oh! Eh bien, vous avez une jolie opinion de moi, si vous croyez que je fréquente les appartements de garçons. Moi, pas une chose pareille, non. 30. 30, oui. Mais est-ce que vous croyez que je vous estimerais si je pense une chose pareille? Je vous dis, venez chez moi, parce que c'est chez moi, ça sort pas d'entre nous. Mais si je vous croyais capable de... qu'est-ce que vous seriez donc? Eh, à peu près la même chose. Ah, vous trouvez? Eh ben, vous n'avez pas le sentiment des nuances. Alors, mettons que je n'ai pas le sentiment des nuances, et puisque je ne l'ai pas, eh bien, ne parlons plus de tout cela, voulez-vous? N'en parlons bon, plus. Bon, c'est bien, c'est très bien, je ne vous en parlerai plus. Je ne regrette même qu'une chose, c'est de vous en avoir déjà parlé. Bon, bien, étouffez vos regrets et continuons nos cartons. Et voilà les femmes, tenez, voilà les femmes. Alors, vous y renoncez? Ah oui, j'y renonce, alors, ces êtres pervers. Mais je vous parle des cartouches. Les cartouches. Eh ben, j'y renonce encore plus aux cartouches. J'en ai assez, madame, de jouer ce rôle ridicule de fabriquer des cartouches pour monsieur votre mari. Moi qui vous mettais si haut. Oh, vous m'avez fait tomber là d'un sixième étage. C'est égal, je remercie le ciel de vous avoir mise toute nue devant moi. Hein? Non, je parle au figuré. Oh, bah c'est heureux. Eh ben, ça va-t-il comme vous voulez. Oh, pas du tout, alors. Ah, vraiment, qu'est-ce qui cloche? Tout. Mais non, rien. Oui, parlez pour vous, mais pour une nature bouillante comme la mienne, voir qu'on fait tous ces efforts pour... Tu qu'on en est toujours au même point, mais... Oh, ben voyons, tu veux peut-être aller un peu trop vite en besogne, toi. Et donc un peu de patience, que diable, tu n'es pas à la course. Oh, je suis né à la course, né à l'heure, je fais rien, je suis au dépôt. Je t'offrirais bien de m'en mêler. Oh non, tu me gênerais plutôt, toi. Ben oui, je me le suis dit, il a ma femme, ils iront bien plus vite sans moi. Ben oui. Allons, voyons. Oui, t'es bon, toi, tiens. Il est bon, lui. Ben c'est vrai, c'est stupide de se mettre dans des états pareils pour si peu de choses. Regarde-moi avec mon fusil, est-ce que je m'énerve? Eh bien, pourtant, j'arrive pas à le nettoyer. Ça, si tu n'y arrives pas, c'est probablement parce que tu ne sais pas t'y prendre. Tu sais donc, toi. Et comment fais-tu quand tu veux le nettoyer? Je l'envoie chez l'armurier. Comme ça. Là, voilà, 32 cartouches. Non, mais peut-on aimer la chasse? Ah, ça. Savoir souffrir des animaux. Non, mais même un homme, moi, je ne peux pas. C'est un médecin qui parle. C'est chez ton ami Cassagne que tu vas faire ces hécatombes? Oui, toujours. On ne le voit pas souvent ici, ton ami Cassagne. N'est-ce pas? Ah, oh, ben, tu sais, il ne bouge pas de la campagne, cet homme-là. Et il cherche l'oubli de ses malheurs conjugaux. Ben, ses malheurs, il est séparé de sa femme, voilà tout. Enfin, sa femme l'a trompé. Ouais. Ah, ça n'est pas prouvé, ça. Non, mais c'est établi, alors ça revient au même. Oh, je ne l'en blâme pas, non. Ce sont là des écarts trop respectables. La digne femme, elle avait un amant, au moins, elle. Mais pourquoi dis-tu qu'elle avait un amant au moins? Tu as l'air d'insinuer qu'elle en a eu plusieurs. Tu n'as pas dit qu'elle avait un amant au moins elle. J'ai dit qu'elle avait un amant, virgule, au moins elle. C'est toi qui comprends mal. Alors je saisis pas la finesse de ta réflexion. Oh, mais t'as pas besoin. Mais puis tu es bon, toi tu dis qu'elle avait un amant, mais qu'est-ce que tu en sais? Parce que son mari l'affirme, mais qu'est-ce qu'il en sait le mari? Oui, d'ailleurs, les maris sont toujours les derniers à voir clair dans ces choses-là. Des présomptions, oui, mais pas de preuves. Va, et c'est même si on râle chez Marcassin de ne pas en avoir. Parce qu'alors, il pourrait faire convertir sa séparation en divorce, tandis que sans ça, il faut le consentement des deux parties. Et comme madame est opposée au divorce... Mais elle a raison, c'est d'une bonne catholique. Oui, et puis ça lui supprimerait sa pension. Et alors ça, c'est d'une catholique mitigée. Oui, bah, sacré fusil, va, j'arrive pas à le nettoyer. Je vais suivre ton conseil, je l'enverrai chez l'armurier. Babet, voulez-vous me donner ce... Alors, c'est entendu. Une fois, deux fois, trois fois, vous ne voulez pas. Oh, encore, oh non, mon ami, vrai, vous bon, savez. Bon, mais quand vous viendrez me raconter maintenant que vous m'aimez, bah vous ne direz pas, vous ne l'avez pas dit. Vous vous souvenez de votre perruche? Elle venait de mourir, votre pauvre petite perruche qui demandait si gentiment, donnez-moi du tafia, chameau. Elle venait de succomber, la pauvre bête, et nous étions là tous les trois. Vous, la défunte et moi. Votre mari était sorti. Vous vous souvenez de votre crise de larmes? Et moi, je vous consolais. Vous pleuriez sur ma poitrine. Oh, ces pleurs. Je ne savais plus ce que je faisais. Mes larmes se mêlaient aux vôtres. J'avais posé la perruche sur le pouf. C'est à ce moment que vous eûtes un de ces élans du cœur qui ne demande pas cela et que vous le laissâtes échapper, ce « je vous aime » qui est cause de tout. Oh, j'étais fou, moi. Sur ces entrefaites, votre mari entra. J'ai eu juste le temps de saisir ma perruche pour me donner une contenance. Il nous restâmes là à la pleurer tous les trois. Mais enfin, vous ne direz pas que vous ne l'avez pas dit, ce « je vous aime » qui est cause de tout. Est-ce qu'on sait ce qu'on dit dans les moments de deuil? Oh, pardon. Vous étiez très sincère à ce moment-là, je vous jure. C'est même dans ces courts instants où la femme ne pense pas du tout à ce qu'elle dit qu'on peut être sûr qu'elle dit vraiment ce qu'elle pense. Et après, quand je leur ai dit ce « je vous aime », est-ce que cela implique tout? Enfin, tout ce qui s'en suit, car enfin, je ne sais pas si vous y avez vu, ma parole d'honneur. Ah ben, j'y ai vu ce que tout homme voit au bout d'un « je vous aime ». Il y a une place pour toutes les affections. Mais si la femme peut disposer de son cœur, l'épouse, elle, ne peut pas disposer de la femme, parce que l'épouse n'appartient qu'à son mari. À son mari? Ah, n'en dites pas de mal, c'est votre ami. Ah, mais certes, c'est mon ami. Et même, il vaut mieux que vous, il a confiance en moi, lui. Et voilà comment vous lui rendez son amitié. Comment? Mais je l'aime. Je vous aime à côté, mais je l'aime, brave ami. Et vous accepteriez que je le trompe? Ça, c'est un autre point de vue. N'importe. Tant que je croirai que mon mari tient son serment, je ne trahirai pas le mien. Et que demain seulement, il me soit prouvé que mon mari me trompe, qu'il a une liaison. Et je vous jure que c'est moi qui irai à vous et vous direz, Morisset, vengez-moi. Vrai, Léontine. Mais comme je sais très bien que c'est une hypothèse impossible. Bon, ça, évidemment, qu'est-ce qu'il aime, lui? Le canotage et la chasse. Ce sont les seuls exercices hygiéniques qu'il se permette. Je sais bien. Et encore la chasse pour la chasse, parce qu'il y a des maris qui ont l'air d'aimer la chasse, et puis pas du tout. C'est un moyen pour courir la prétentaine, il dit, je vais à la chasse, et puis dehors, vas-y voir. Mais pas lui. Non, non, car j'y réfléchis. Souvent, je me suis dit, est-ce que par hasard, mon Duchâtel... Oh, puis non. Il me suffisait de le voir quand il revenait de la chasse pour être pleinement convaincu de la pureté de sa conscience. N'est-ce pas? Oh, madame. Seulement, quand même, il y avait de ces choses tellement énormes que des fois, je me disais, si vraiment Duchâtel a quelque chose à se reprocher. Oh, non. Non, il y a de ces bourdes qu'il ne ferait pas. Comment, quoi? De quelle chose voulez-vous parler? Je pense... L'autre jour, tenez, par exemple, il vous a rapporté une bourriche de lièvres et de lapins. Eh bien? Mais il y a un fait qui est connu, où il y a des lièvres, il n'y a pas de lapins, où il y a des lapins, il n'y a pas de lièvres. Comment savez-vous ça? Mais lisez la zoologie. Il y a un seul endroit où ces deux rongeurs peuvent se trouver réunis. Ah, ben c'est peut-être là où il est allé les chercher. Possible, c'est chez le marchand de comestibles. Oh! Oh, c'est trop fort! Et vous ne pouviez pas me dire ça plus tôt, vous qui vous prétendez mon ami? Vous me laissez la m'endormir dans ma confiance ridicule? Oh, mais j'aurais une explication avec du Duchâtel! Mais vous n'allez pas faire ça! Mais non, parce que j'ai commencé par vous dire que j'étais intimement persuadé de l'innocence de mon ami Duchâtel. Alors je ne serais pas allé vous raconter. Mais laissez-moi tranquille! C'est parce que ça vous a échappé! Ça m'a échappé si l'on peut dire, mais je vous assure... Et maintenant, c'est bon, voilà mon mari, je vais en avoir internet. Ça, vous n'allez pas me dire? Je vais vous chaîner! Mais Léontine, c'est insensé! Je m'en vais. Comment tu sors? Oui. Tu vas bien, toi, c'est... Comment tu vas bien, mais une jambe que tu m'as vue? Oui, seulement depuis tout à l'heure, tu sais. Adieu. Ben, c'est ça, adieu. Dis donc, tu sais qu'il pleut dehors. Veux-tu un parapluie? Non, je te remercie, j'ai ma cam. Mais qu'est-ce qu'il a? On dirait qu'il a reçu un coup de marteau. Oh, drôle de garçon. Ah ça, mais qu'est-ce que tu as, toi aussi? Qu'est-ce que vous avez tous les deux? J'ai... que je viens de prendre une leçon de zoologie. Une leçon qui m'a édifiée. Vraiment? Elle m'a appris une de ces choses capitales qu'une femme mariée ne devrait jamais ignorer. C'est? Qu'où il y a des lapins, il n'y a pas de lièvres. Où il y a des lièvres, il n'y a pas de lapins. Oh, ben voilà une chose intéressante à savoir. Ah, beaucoup plus que tu ne crois. Car il est probable que si tu l'avais su toi-même, tu ne m'aurais pas rapporté de ta chasse une bourriche aux lapins et aux lièvres. Ah, c'est pour moi que... Selon moi, je ne savais rien, n'est-ce pas? Je croyais que les lapins et les lièvres, comme ça se ressemblent, bien c'était de la même famille. Mais on ne vous apprend rien en couvent. Heureusement, j'avais avec moi un homme instruit, Morisset, qui m'a détrompé, lui. Comment c'est lui, dit? Oh, bien involontairement, le malheureux. Voilà un imbécile. Ah, imbécile, n'est-ce pas? Parce qu'il m'a éclairé sur la conduite de mon mari. Oh, mais pas du tout. Parce qu'avec ses cours zoologiques, il va te mettre Martel en tête, alors qu'il n'y a pas de raison, je t'assure, oh, pas de raison. Ah, bien, par exemple, non. Eh bien, prouve-le-moi, toi, qu'il n'y a pas de raison. Prouve-le-moi, si tu peux. Oh, mais c'est bien facile. Eh bien, prouve. Dis-donc, ton ami, Madame Chardet, brouillé, je crois, avec Madame de Fontenac. Ah, ne change pas la conversation. Mais j'y suis en plein. Ton ami, Madame Chardet, je dis, est bien brouillé avec Madame de Fontenac. Oui. Par conséquent, elle ne se voit pas. Naturellement. Quand tu veux les voir, comment fais-tu? Je suis bien malin, je vais chez elle. Tu vas chez elle. Ah, veux-tu revenir à tes lapins? Mais je ne les ai pas quittés. Donc, tu en conviens, tu vas trouver Madame Chardet là où tu sais qu'habite Madame Chardet, et Madame de Fontenac là où tu sais qu'habite Madame de Fontenac. Et après? Après? Eh ben, le voilà, l'après. Mes lièvres, c'est Madame Chardet, et mes lapins, c'est Madame de Frontenac. Qu'est-ce que tu dis? Tes lapins, c'est Madame Chardet? Oui, absolument. Autrement dit, quand je veux chasser du lièvre, je vais où gîte le lièvre, et quand je veux chasser du lapin... Tu vas chez Madame Chardet? Mais naturellement, oui. Oh! Oh, mon chéri, et moi qui te soupçonnais! Ah oui, tu es une tête folle, toi. Oh. Et tu mériterais bien que je... soupçonner ton mari. Oh. Non, tu ne soupçonnerais pas un étranger, tu soupçonnes ton mari. Mais c'est la faute à Maurice, aussi c'est lui qui est venu me mettre Martin en tête avec ses rongeurs. Avec sort de l'appeler imbécile. Oh, l'animal. C'est pour ça qu'il s'en est allé si troublé. Tiens, il en avait oublié son chapeau. Il avait perdu la tête. Oui, c'est juste, il avait perdu son chapeau. Au moins, tu me promets que tu n'auras plus de ces idées folles. Hein? Allez, embrasse-moi. Et maintenant, allume une bougie. Nous allons visiter la garde-robe pour y prendre le costume de chasse dans les besoins. Oui, mon chéri. Ah, vous la sonné. Ah, oui. C'est Maurice, probablement. Mais oui, il aura retrouvé sa tête sans son chapeau. C'est moi, j'ai oublié mon chapeau. Voilà, qu'est-ce que je te disais. Ah, tu as fini par t'en apercevoir. C'est pas moi, on me l'a fait remarquer. Viens donc un peu ici, toi. Nous avons un petit compte à régler. Qu'est-ce que tu as été raconté à ma femme? Moi? Avec tes lièvres et tes lapins. Une façon de lui faire croire que mes chasses, c'était de la balançoire. Moi? Mais pas du tout. Voyons, madame. Oh, mais au contraire, voyons. Tu peux au moins laisser supposer que je... Oh, moi qui te défendais, au contraire, alors. Ben, tu es bien bon. Tranquillisez-vous. Mon mari m'a tout expliqué. Ah, bon, ben, je suis bien content. Si tu avais vu madame... Non, tu sais, elle se figurait déjà que parce que les lapins et les lièvres... Et tu... Moi, je disais, qu'est-ce que ça prouve que les lapins et les lièvres... Ah non, c'est bon. Passe-moi la bougie. Et une autre fois, j'éviterai de jeter le trou dans mon ménage pour y faire montre d'érudition. Bah, tu sais, si j'avais pu prévoir... Tu m'en veux pas, au moins. Moi, t'en vouloir, ma pauvre enfant. Oh. Tiens, prends ça. Tiens. Voilà comme je t'en veux. J'ai l'air bête, moi, alors. Alors, quoi, tu veux décidément pas me la passer, ma bougie? J'attendais que t'aies fini, moi. Ah, je croyais que tu posais pour le lampadaire. La porte de chez le tailleur des vêtements pour monsieur. Ah oui, je sais ce que c'est fait d'entrer dans ma chambre. Vous allez voir mes vêtements, mes amis. C'est un nouveau tailleur, le tailleur des gens chics. Celui qui habille mon neveu Gontran. Alors ça, c'est tout dit. Ça, il est un fait que ton neveu Gontran fait plus honneur à son tailleur qu'à l'institution qu'il prépare au baccalauréat. Eh oui, il a le baccalauréat rétif. Le garçon. Bon, eh bien, allons faire ses vêtements. C'est ça. Tu m'attends, toi. Oui. Si tu t'ennuies, prends un livre. Bon, bon. À propos, j'oublie de te remercier de l'envoi de ton dernier volume. Ah oui. Cœur d'artichaut. Comment? Les larmes du cœur. Ah oui, oui, oui, je savais qu'il y avait du cœur là-dedans. Dis donc, tu sais, je ne l'ai pas lu, mais je l'ai rangé. Je l'ai rangé déjà sur, ça, ouais. Sur la table du salon. Alors, comme ça, les gens le feuillettent, ça fait toujours de la rétable. Bien, bien. Hein, Cœur d'artichaut. Pourquoi pas artichaut à l'huile, non? Voilà par qui on est jugé. Et alors cette Léontine, mais quelle idée d'aller raconter à son mari pour les lapins et les lièvres. Cherche à lui rendre service, elle vous colle dans des histoires qui n'ont pas... Pas solide, tu sais. Ah ben je crois bien, il manquait un pied. Qu'est-ce que... Les larmes du cœur. Voilà ce qu'il appelle le ranger dans son salon. Oh, les larmes du cœur, rondelles et sonnets par Gustave Morisset, ancien interne des hôpitaux. L'édition de luxe sur Hollande, il en cale son bas une. Vandale. Dis donc, qu'est-ce que tu penses de ce pantalon? Il est joli, très joli. Ah, je pense bien qu'il est joli. On vient de faire le pareil à mon neveu Gontran, alors c'est tout dit. Moi alors, je te remercie de la façon dont tu as rangé mon bouquin. Ah, tu l'as trouvé? Oui, sous le bahut. Ah oui, oui, en effet, c'est moi qui l'avais pris pour remplacer le pied. J'avais rien d'autre sous la main. Comme quoi un livre sert quelquefois à quelque chose. Mais je n'avais pas écrit pour ça. Et moi qui ai pris la peine de dédier une de mes meilleures pages quand je vois le coq qui fait de mes œuvres. Comment, une page qui m'est dédiée? Oui, si tu l'avais ouvert, ce volume t'aurait vu à la page 91. J'ai intitulé ça Navrance. Tu dis? Navrance, c'est le titre du sonnet. À Justinien Duchâtel. Oh, merci. Ami. Oui. Merci. Ami, crois-moi, la vie est bien une chimère. Quoi? Ami, crois-moi, la vie est bien une chimère. Aussi, quand je te vois gai malgré tout cela, je me dis, le cher homme est heureux et prospère. Il ne pense donc pas qu'un jour son tour viendra. Oh, mais disons, tu es gai, toi. Et c'est pour moi, dès lors, une tristesse amère qui me crispe à penser que tout être s'en va. Je ne puis plus te voir sans me dire, misère, où serai-je quand il ne sera plus là? Oh, mais dis donc, tu m'embêtes, toi, tu m'embêtes avec tes navrances. Non, je ne... Non, si, je te dis que si. Non, c'est le commencement du vers. Oh. Non, je ne puis pas croire à la fin éternelle. Je rêve une autre vie, plus douce et plus belle, qui nous attend après dans un monde plus beau. Mais dis donc, mais ce sera long. D'un sonnet. Oui, ça m'est égal, je te demande si ce sera long. Parce que l'essayeur m'attend. Oh, bah, je serai désolé de te retenir. Eh ben oui, tu sais, j'ai pas de temps à perdre sans ça. Mais je te remercie, tu sais. Oui, de rien. Il a même pas coupé les pages. Je ne demandais pas de le lire, mais enfin, il aurait pu les couper par politesse. Tiens, monsieur Morisset, bonjour, monsieur Morisset. Tiens, Gontran, vous êtes dans la vacances? Oui, pour la Toussaint. Ah, mon four à bac fait relâche. Hein? Je dis mon four à bac fait relâche. Autrement dit, mon institution est en congé. Ah, oui. Ben, vous avez un argot, ou alors là, mon four à bac fer lâche. Ça veut dire, ça? Que de mon temps, on disait la guimbarde des boucles, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez, ce sont les évolutions de la langue française. Dites-moi, mon oncle n'est pas là. S'il est à côté, il essaye votre pantalon. Comment il essaye mon pantalon? Oui, votre... enfin, le pareil est celui-là. Crevant, il copie. Et si vous voulez le voir, il est à côté avec son tailleur. Vous savez, je veux le voir, et à côté de ça, je suis pas pressé. Ah. Non, je viens pour le taper. Ainsi, vous comprenez. Quand vous frappez votre famille? Je voudrais qu'il prête 500 francs. Ah, bon, eh bien. Eh bien, j'en dois déjà 6. Voilà le chien d'or. Ça, vous entretenez dans des demoiselles, vous? Oui. Non, pas possible. Mais une merveille, monsieur Morisset. Oui. Un vrai greuze. Oh, c'est jeune, c'est frais. Ça n'a pas encore roulé. Oui, dame. Je compte pas son vieux, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est qu'un vieux? Oh là là. C'est une quantité négligeable. Oui. Il est là pour commanditer l'affaire, voilà tout. C'est même pour ça que ma petite amie m'a bien dit, si jamais mon singe survient, fourre-toi dans le placard. Oui, il paraît qu'il tient à être le seul, cet homme. Est-il drôle, hein? Moi, est-ce qu'il me gêne? Bon, parbleu. Mais dis, où l'avez-vous rencontré, cette merveille? Au Mont-de-Piété. Oh. Elle engageait des bijoux de famille, moi je mettais ma montre au clou. De cette similitude de situation naquit notre rapprochement. Nous nous aimâmes. C'est touchant. Roméo Juliette chez ma tante, alors là... Et le soir même, elle me remettait la clé de son appartement et de son cœur. Ouais. Et depuis, je vais la voir tous les dimanches, quand je suis pas consigné. Ah. Oui, comme dimanche dernier, par exemple. Oh, Pristi, et mon télégramme que j'oubliais pour la prévenir de ma visite de ce soir. Elle va être heureuse. 15 jours d'abstinence. Parce que le vieux, n'est-ce pas? Ah, c'est pas ça. Ça, c'est une garantie que j'apporte à mon oncle s'il va me prêter les 500 francs. Ah, oh, bah si vous avez une garantie... Madame, c'est un effet que j'ai préparé à tout hasard. Au jour de ma majorité, je paierai à mon oncle Justinien Duchâtel la somme de 500 francs valeur reçue comptant. C'est ça la garantie? Eh ben tiens, ça vaut de l'argent? Oui. Ah, voilà la dépêche. Je l'ai envoyé porter par la bonne de mon oncle. Ah, c'est égal. Taper mon oncle. Si je pouvais m'éviter cette corvée... Ça vous dirait rien à vous par hasard de me prêter mes 500 francs? À moi? Ah, ça, rien du tout alors. Vous aurez donné mon billet. Votre... Ah oui, je sais bien, mais non. Bon, oui. Je pensais bien que je vous disais ça comme ça par acquis de conscience. Oui, hein. Mais non. Monsieur a sonné? Non, monsieur là. Mais c'est moi. Pouvez-vous me faire porter cette dépêche au télégraphe? Cette dépêche? Madame Urbaine, des voitures 40 sous la selle. Je ne vous demande pas de la lire, je vous demande de la porter. Hein? Il y a 19 mots, voilà 20 sous. Vous garderez le reste. Bah ça me prend pas de main si ça me tombe sur le pied. Tiens, voilà du chapel. Vous allez pouvoir présenter votre requête. Oh, déjà, ça m'embête. Ah, je suis prêt. Bonjour, ma tante. Mon... Oh, vous savez que c'est vrai, vous avez mon pantalon. Il paraît, mon ami, il paraît. Nous nous copions. Vous pourrez parler au sein du lit. C'est pas gentil ce que vous avez fait là, d'aller raconter à votre mari. Vous trouvez? Je vous dirai plus jamais rien. Ah, sapristi, il faut que j'envoie une dépêche. Bon, donc, laisse-moi tranquille, quoi. Donc, voyons comment... Ah, qu'est-ce qui a retiré le... Ah, le voilà. Ah non, mon vieux, non, pas ça. Prends Victor Hugo. Ah, eh ben, sapristi, il faut que je me dépêche si je veux prendre le train de 6h moins le quart. C'est à ton ami Casson que tu télégraphies? Oui, précisément pour lui dire à quelle heure il doit me prendre à la gare. Dis-moi, mon chéri, veux-tu avoir l'obligeance de dire qu'on descende mon sac? Mais certainement, mon chéri, j'y vais. À Madame Cassagne, 40 rue La Terre. Vous n'abordez pas la question? Quand il aura fini d'écrire. À 6h, à la Maison d'Or, sois exact. Zizi. Je signe Zizi parce qu'elle m'appelle toujours Zizi. D'ailleurs, dans la maison, on me connaît que sous ce nom-là, moi. Mon après, oncle! J'ai de l'argent. Et tenez bon, il est mort. Mon oncle, je vous vois avec des billets de banque dans la main. Je vous serais bien obligé si vous pouviez me donner 500 francs. Moi? Eh bien, il y va carrément, lui. Moi? Eh bien, non, mon ami. Non. Inutile de parler d'emprunt. Tu dois déjà 600 francs, ça suffit. Mais mon oncle, je ne comprends pas pourquoi vous me faites tous ces discours. Je ne vous demande pas un cadeau. Je vous vois avec des billets de 100 francs dans la main. Et je vous demande simplement de me donner 5 contre un billet. Un excellent billet de 500 francs. Ah, c'est de te changer que tu me demandes. Bon, ben, ça fait plaisir. Voyons. 1, 2, 3, 4, 5. Tiens, voilà 500 francs, mon ami. Merci, mon oncle. Voilà. Et voilà votre billet. Merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Au jour de ma majorité... Non. Ah non, pas de ça, non, pas de ça. Rends-moi mes billets, mon vieux. Comment? Ah non, pas du tout, c'est pas du tout. Comprends, merci. Comprends. Ah non, mais c'est trop fort, ça. Comprends. Voilà, c'est tout. Mon vieux, je crois qu'il te l'a fait endosser, alors là. Mais qu'est-ce qu'il a, Grand Gondron? Il se sent comme un perdu. Mais ce qu'il a, il vient de me subtiliser 500 francs, voilà ce qu'il a. Oh, pardon, tu as une valeur, là. Mais elle ne vaut rien du tout, sa valeur. Je te la donne pour 40 sous et je te vole encore. Oh, mais je le repincerai, moi, je... Si ce n'est pas pour te renvoyer, mais si tu dois prendre le train... Ah oui, c'est juste... On a sonné. Allons, bon, qu'est-ce qui vient là? Qu'est-ce que c'est? Il y a un monsieur dans le salon qui désire parler à monsieur. Oui, eh bien, j'ai pas le temps de le recevoir. Qui est-ce? Il m'a pas dit son nom. Bon, eh bien, tant pis, tu le recevras, toi, Léontine. Oui, mon cher. Dites-moi, Babette, vous le ferez passer par le petit salon, n'est-ce pas? Monsieur. Voilà. Adieu. Adieu, ma chère Léontine. Mon cher. Et il prend garde aux accidents. Mais oui, tu descends avec moi, toi. Je te mets en voiture seulement. Voilà, allons, je me sauve. Oh. Et dans une heure et demie, Léontine... Quand la pendule sonnera 7 heures, tu pourras te dire « Mon mari est à Liancourt, dans les terres de son ami Cassagne. » Eh bien, c'est ça. Léontine. Quoi? Hein? Non, là. Oh. Bon, oui. Faut-il faire rentrer la personne qui est dans le petit salon? Oui, frère. Bien, madame. Monsieur Cassagne. Hein? Monsieur Cassagne? Oh, madame, je suis bien heureux de vous voir. Comment va Duchâtel? Ça, mais qu'est-ce que ça signifie? Il n'est pas là? Non, non, il n'est pas là, mais vous auriez peut-être désiré lui parler. Oh, madame, il y a si longtemps que je ne l'ai pas vu. Ah, vraiment, il y a? Oui, je voulais le consulter pour une chose personnelle. Un conseil à lui demander. D'ailleurs, je peux vous confier ça. Merci. Vous savez que je vis séparé de ma femme et que mon plus grand désir serait de divorcer. Et en effet, en effet, mais... Il ne me manquait qu'un grief. Eh bien, justement, je venais annoncer à ce brave Duchâtel qu'enfin, je le tenais, mon grief, et que ce soir, je me disposais à faire surprendre ma femme en flagrant délit d'adultère. Elle a un amant, madame, je le sais. Oui, oui, elle a un amant. Bon, ben, tant mieux, mais... C'est un certain monsieur Zizi. Mes compliments. Mais vous me disiez qu'il y avait longtemps que vous n'aviez pas vu monsieur Duchâtel. Oh, il y avait le lurette, au moins 6 mois. 6 mois? Vous lui direz que c'est un lâcheur. Cependant, monsieur, vous avez dû le rencontrer, il me semble bien, à quelques chasses, je crois. À la chasse, moi, je ne chasse pas. Vous ne chassez pas? Moi, je n'ai jamais chassé de ma vie. Il ne chasse pas. Ah! Oh! Oh! Oh! Un ventre! Un gredin! Un misérable! Madame, qu'est-ce qu'il y prend? Oh! Vous viendrez me dire maintenant que vous allez à la chasse! Moi, mais non, mais au contraire! Ah, vous viendrez me jouer la comédie! Me faire le bon apôtre! Moi, mais il est folle! Mais Dieu merci, le masque est tombé! Vous apparaissez avec toute la noisseur de votre âme! Non, voyons, madame! Mais maintenant, je sais ce que je voulais savoir! Je m'en doutais, d'ailleurs! Oh, que c'est triste d'avoir des crises comme ça, madame! Oh, monsieur! Ah, on se moque de moi! Eh bien, on verra qui rira le dernier. Si je pouvais reprendre ma cape. Oh non, quand je pense que tout à l'heure, je ne soupçonnais rien. Oui. J'étais calme. Oh, madame. Tranquille. C'est mon chapeau. Ah, j'en ai mis ma femme. Et si elle n'est pas que c'est passé, alors... Oh, maintenant. J'étais trop bonne jusqu'à présent, mais vous la connaîtrez, monsieur, la peine du camion. Oui, madame, oui. Ah, vous en prenez à votre aise. Eh bien, moi aussi. Ah, le ménage ne vous suffit plus. Eh bien, moi non plus. Pour commencer, je vais écrire à Morisset. Babé. Préparez-moi mon sac de voyage, je vais passer 2 jours chez ma marraine. À la campagne! Qu'est-ce qu'elle a? Elle est bien malade. Je me vengerai, c'est un digne! Oh, mais! Ah oh, madame, mais c'est une conne! Oh! Oh, ma conne! Oh! Diffusé en émission différée du Théâtre de la Renaissance, vous avez entendu le premier acte de Monsieur Chasse, la comédie de Georges Feydeau, mise en scène par Jean d'Arcante. Voici immédiatement le deuxième acte. André Rançon vous parle. Le deuxième acte nous transporte dans la garçonnière de Morisset. Mobilier très élégant, au dernier goût du jour. Au fond, une alcôve où l'on aperçoit un lit dont la couverture est faite. Au lever du rideau, Madame Latour Un vaporisateur à la main répand un parfum sur les tentures, les rideaux, les meubles et même le lit. Canapé maintenant. Le canapé. C'est généralement le terrain où s'engage l'action. Très important. De la première escarmouche dépend presque toujours la victoire. Double ration au canapé. En dame, je vaporise stratégiquement. Ainsi là, tenez, j'en mets. Par acquis de conscience, parce qu'à vrai dire, quand on est arrivé à cette phase. Enfin, quand ce ne serait que des libations d'action de grâce. Alors, j'espère que notre nouveau locataire, M. Morisset, sera content. Je viens de lui vaporiser pour 16 francs d'impérial russe. Eh bien, j'aime les hommes comme ça, moi. Les hommes qui, en amour, ne regardent pas la dépense. D'ailleurs, y a-t-il rien d'assez cher pour une femme aimée? Oh! Nous sommes un bienheureux sexe. Oh, que n'ai-je eu, moi, comtesse de la Tour du Nord, quand j'étais encore du noble faubourg Saint-Germain. Des faiblesses pour un homme comme celui-là. Au lieu d'aimer un numéro de cirque, mon mari ne m'aurait pas pincé et je ne serais pas concierge alors qu'il est. Ah, c'est loin tout ça. Heureux temps. Ces parfums m'engourdissent. Je me sens tout alangui. À quoi bon? Si encore le proverbe était vrai, il n'est pas de si grande dame que le muletier ne trouve son heure, dit-on. Oh, moi qui n'ai jamais là, le muletier. Madame Latour. C'est le muletier. Ah, Madame Latour, vous êtes là. Monsieur Zizi. Il y a un quart d'heure que je vous cherche. Christy, que ça infecte ici. Est-ce qu'il y a un chat? Un chat? C'est de l'impérial russe. Oh, il y a de quoi tomber à la renverse, moi. Dites-moi, il y a 10 minutes que je frappe à la porte en face chez Madame Cassagne. Elle n'est donc pas chez elle? Non, monsieur. Ah, comme c'est agréable. Je l'ai attendue à la Maison d'Or avec un dîner pour deux et j'ai dû le manger tout seul. Elle a donc reçu ma dépêche? Si, monsieur. Madame Cassagne m'a dit mon oncle Zizi. Voilà, c'est moi. Mon oncle Zizi arrive aujourd'hui de sa province. Il descend chez moi ainsi qu'à l'ordinaire. Vous lui direz que si j'avais reçu sa dépêche plus tôt, je lui aurais consacré ma soirée. Malheureusement, j'en ai disposé. Ah. Vous lui remettrez ma clé et le prierez de m'attendre. Comme si elle n'aurait pas mieux fait de rester chez elle. Dites-moi, comtesse, elle est bien installée, la cocotte qui habite ici? La cocotte, qui ça? Mademoiselle des voitures, mais elle n'habite plus si monsieur Zizi nous lui avons donné congé. Ah, vraiment? Oh, monsieur, nous ne pouvions pas garder le locataire comme ça, elle déconsidérait la maison. Une demoiselle qui prenait les collégiens en sevrage. Oh. Ça me fait penser qu'il faut que j'aille réclamer des clés d'ici à son petit dernier. Une femme, monsieur, qui n'attendait même pas qu'ils fussent bachelier pour leur inculquer les principes de la licence. Oh. Pas simple, quand j'avais à lui tirer le cordon, celle-là, mon sang de patricienne se révoltait. Vous êtes farouche, comtesse. Pour les cocottes, oui, je flétris les amours vénales. Je n'ai du respect, moi, que pour les écarts des femmes honnêtes. Mmh. Heureusement, depuis le départ de cette demoiselle, je puis dire hautement que la maison est irréprochable. Tous gens mariés, et même quelques-uns ensemble. Oh, mais c'est parfait, ça, au gaz des gens mariés à tous les étages. Alors dites-moi, les nouveaux locataires ici, ils sont mariés? Lui, non, mais elle, certainement, si j'en juge par le mystère et les égards dont il entoure. Ah, le sacripant. Et qu'est-ce qu'il est, lui? Médecin. Ah, c'est un médecin qui se paye une femme mariée. Ah, ben voyez-vous ça. Et dire que pendant ce temps-là, le mari dort sur ses deux oreilles. Quel moule, alors. Ah, ça, il est... Oui, bon, eh bien, à tout à l'heure, madame Latour. Je vais voir si madame Cassagne n'est pas rentrée. Non. Quoi? Attendez, on monte. Oh mon Dieu, sont les locataires d'ici. Ils vont m'attraper pour vous avoir laissé entrer. Ah, ben, laissez-moi partir. Mais non, vous vous rencontreriez. Tenez, entrez là. Je dirais que vous êtes un parent à moi, que je vous ai prié de venir pour nettoyer l'appartement à fond. Ah, mais comment? Et attendez que je vienne vous délivrer. Oui. Oh, mais ça sent le camphre, là. Eh bien, ça conserve. Quoi, ça, c'est rien du tout. La comtesse, la tour du Nord. Oh, madame. La concierge. Hélas, oui, madame, une vraie la tour du Nord encore. Une la tour qui a fini par s'effondrer dans une loge de concierge, on vous racontera ça. Comtesse, nous n'avons plus besoin de vos services. Qu'est-ce que c'est que ça? On a éternué là-dedans. Monsieur, j'avais oublié. C'est un de mes parents que j'ai prié de venir pour nettoyer l'appartement. Oh, vous auriez dû le congédier plus tôt, voyons. Mais si monsieur désire qu'il ne voit pas madame, monsieur n'a qu'à l'emmener un instant dans cette chambre. Pendant ce temps, je ferai sortir mon parent. Bon, tenez, vous donnerez 100 sous à votre parent pour sa peine. Oh, monsieur, il vous sera bien reconnaissant. Mais c'est ça, venez, bel effarouché. Vite, monsieur Zizi, partez. Oh, on peut. C'est pas malheureux, moi. Je suis camphré, et pourtant, c'est pas le moment. C'est bien fait, vite, tenez, voilà pour vous. Qu'est-ce que c'est que ça? 100 sous. De la part du docteur, pour avoir fait l'appartement. Ah, comme parent, c'est mon pourboire. Oh non, regardez, comtesse. Oh. Non, on ne dira pas que je ne soutiens pas ma famille. Merci. Et maintenant? Oui, voilà. Dites donc. Quoi? Ils sont là? Qui? Eh bien, lui et la dame adultère. Et après, oui, ils sont là. Ils sont là. Pourquoi allez-vous? Ben non, pour rien, parce que vous me dites qu'ils sont là. Alors, je pense que tout à l'heure, ce sera un territoire. Alors, ça me fait rire, moi. Oui, ben, y a pas quoi? Pauvre petite femme, je parie que c'est son premier coup de canif. C'est vrai? Oui. Un de plus sur terre, comtesse. Salmon. Et vous, Faust et Marguerite? Que Cupidon vous protège. Moi, je suis Méphisto. Je cours, c'est dame de Cassagne. C'est ça, la porte en face. Sur le même palier, merci, je connais, au revoir. Oh, il est parti. J'ai cru qu'il ne s'en irait pas. Vous pouvez venir. Ah, c'est pas dommage. Vous n'avez plus besoin de moi, monsieur Morisset. Non, merci, comtesse. Allons bien, bonne nuit, monsieur, madame. C'est ça, vous aussi. Oh, moi. Léontine. Dans le cas où vous auriez à m'appeler, la sonnette là va malheureusement. Bon, eh bien, faites comme la sonnette, allez-y. Léontine. Morisset. Enfin, seul. Reste-moi. Est-ce bien moi qui suis là dans vos bras? Oh, je n'ose y croire moi-même. J'ai besoin de vous regarder, j'ai besoin de vous serrer dans mes bras, j'ai besoin... Non! Oui, pour me dire que c'est vous, vous que j'ai désiré tant de jours. Oh, tant de jours! Oh, et tant de nuits, donc. Oh, Marissée, dites-moi que ce n'est pas une grande folie que je fais là. Une folie? Mais en quoi? Et en tout. Pensez qu'à l'heure présente, je suis encore une femme honnête. Et que demain... Mais vous le serez encore demain? Oh, vous trouvez-vous? Ben, dame, à moins que vous n'alliez le raconter à tout le monde. Oh, non! Mais enfin, qu'est-ce que c'est dont je vous en prie que l'honnêteté des femmes? C'est l'opinion publique. Eh bien, nous n'avons qu'à ne pas la tenir au courant de nos petites affaires, l'opinion publique. Oh, ben, voilà une morale. Comment? Est-ce que vous allez me dire que cette honnêteté-là n'est pas une convention sociale? Mais en quoi ne soyez-vous plus une femme honnête parce que vous vous donnez à celui que vous aimez? Mais le vrai mari, c'est l'amant. L'époux n'est que le mari que la société vous donne. Tandis que l'amant, c'est le mari que le cœur choisit. Un mari en second? Oui. D'ailleurs, à quoi bon discuter, argumenter? Nous nous aimons, n'est-ce pas? Alors que nous importe le reste? Avez-vous oublié cette lettre que vous m'avez écrite tantôt dans un élan généreux? Oh non, là, je rageais. Eh bien, dans un élan de rage généreuse. Ah, cette lettre qui m'a ouvert le paradis, cette lettre. Oh, vous l'avez? Comment si je l'ai, mais je la garde sur mon cœur? Oh, je voudrais bien la voir. La voilà. Son cœur? Et le cœur est partout? Là voilà cette lettre telle que vous l'avez écrite. Mais naturellement. Dans cette langue émue, grande et simple à la fois, celle qui vient de là. C'est comme la lettre. Mon ami, je n'ai qu'une parole. À l'heure qu'il est, il n'y a plus d'obstacle entre nous. Comme c'est concis et éloquent. L'éloquence de la concision et la concision de... l'éloquence. Oui. Libre de moi-même, c'est à vous que je m'engage. Voilà ce que vous avez dit. Oui, et après? Qu'est-ce que j'ai ajouté après? Oh, bah après, c'est sans importance. Dites-vous bien que je n'agis de la sorte que parce qu'il l'a bien voulu. Oui, parce qu'il... Oui, c'est la petite concession à l'amour propre féminin. Vous croyez, vous? Non, c'est après m'avoir écrit cela que vous voudriez revenir en arrière. Non, il est trop tard. Léontine. Est-ce que tout autour de nous ne nous invite pas à l'amour? Sentez ces parfums que je vous engourdisse dans une langueur de folie. C'est vrai, ça sent bon. Voyez cette table de couverts, nous attend le souper inséparable des tendres entrevues. Oh, un perdreau! Oui. Oh, des écrevisses! Oui. Oh, mon mari qui adore ça! Il n'en aura pas! Regardez cette lumière discrète. Ah, que de mystère et de promesses dans cette demi-clarté que nous ferons plus faible encore. Juste assez pour nous aimer, pas assez pour nous voir. Oh, mais que faites-vous? Je mets la mèche à la hauteur de la situation. Étonnez la lune elle-même qui se met de la partie, la lune, cette confidente des amoureux. Oh, le beau clair de lune. Oui, regardez-le, l'astre de la nuit. Oh, mais vous avez un balcon. Un balcon qui fait le tour de la maison. Nous voilà comme Roméo et Juliette, la scène du balcon. Oh, seulement vu de l'intérieur. C'est Roméo et Juliette pendant l'hiver. Et voici le... Ah, voilà. Ah non, pas ça, pas ça. Eh bien, c'est... Non, pas ça. Eh bien, non, là, pas ça, non. C'est comme en chirurgie, faut pas étaler les instruments à l'avance. Voyons, Léontine. Oh, Marissée. Mais que vois-je, Léontine, vous tremblez, vous pleurez. Oh, Marissée. Il me semble que je me remarie. Hein? Lui aussi, le soir de son mariage, il était là, seul, près de moi. Il me tenait des propos d'amour, comme vous. Oui. Et tout à coup, le lit. Comme là. Et alors, dans un élan passionné... Non, c'est lui, mon ami, c'est dégoûtant. Oh, quel est-il resté ce qu'il était? Je ne sais pas là, en ce moment. Je vous en prie, Léontine, ne parlons pas toujours de votre mari. Si vous l'avez tellement à l'esprit, du moins que ce soit pour le voir tel qu'il est aujourd'hui. Ah, ne me parlez pas de ça. Si, je désire vous en parler, au contraire, car enfin, sa conduite est indigne. Mais ne pensez-vous pas que peut-être en ce moment, il est en train de faire à une autre tous les serments qu'il ne vous a pas pris? Mais c'est vrai, le misérable! Non, et vous auriez des scrupules, ah, non, pas de scrupules! Ah, il a une maîtresse! Ah oui, oui! Eh bien, moi, j'ai un amour! Oh, voilà! Et tenez, il l'embrasse, l'infidèle! Et il la serre dans ses bras! Oh! Serrez! Et il la réembrasse! Allez! Si c'est pas indigne! Oh! Et tenez, maintenant, c'est elle qui lui rend ses baisers. Non. Oui. Elle l'embrasse? Oui. Eh bien, tiens. Toute ma vie pour ce moment différence. J'ai soif. Elle a soif. Qu'est-ce que vous voulez boire? Oh, n'importe quoi, du champagne. Du champagne? Voyons, où est-il, le champagne? Alors, bon, la mère l'a tout oublié, le champagne. Mais à quoi pense-t-elle? Je n'avais pas soif. Non, je n'ai soif que de toi, je n'ai soif que de ton amour. Grisé de ton sourire, ivre de ta beauté, mon amour infini me mine et me dévore. Oh, c'est ça, dévore, oh. Parlons, mon père. Sous ton regard de feu, je sens tant, je t'adore. Tout mon corps frissonné d'ardente volupté. Oh, va, après. Ben, j'ai fait que ces quatre-là. Ah, quand tu me parles, mon père, je sens que je ne peux pas te résister. Elle ne peut pas me résister. Qu'est-ce que c'est? C'est la tour. C'est la concierge. Eh bien, comtesse, où avez-vous eu la tête? Vous me préparez un souper, vous ne mettez pas de champagne. Mais non, monsieur, vous m'avez dit faites comme pour vous. Moi, le champagne, ça me fait mal à l'estomac. Si vous faites intervenir l'hygiène, non, mais enfin, est-ce qu'il y a des épanchements possibles au Bordeaux? Mais si, monsieur, on veut tout de même du champagne. Il y en a deux bouteilles dans la chambre à côté, sur la dernière planche du bahut. Ah bien, j'en veux. Bah, c'est facile. Non, c'est trop pour vous, et puis j'irai plus vite moi-même. Tenez un instant compagnie à madame. Bien, monsieur. Grisez de ton sourire, ivre de ta beauté. Moi, infini, me mignon. Oh, voilà un homme comme il faut, monsieur Maurice. Vous trouvez? Oh, certes, avec un homme comme celui-là, je comprends qu'une femme du monde se permette une faiblesse. Qui dit tout ça? Oh, c'est une réflexion générale. Pour moi, si vous voulez, madame, pour moi, dont le plus grand tort a été justement de favoriser un jour un homme qui n'était pas de mon rang. Vraiment? Ça m'a coûté ma position dans le monde, ça, madame. Parce que le monde, il vous pardonne une mauvaise conduite. Il ne vous pardonne pas un scandale. Mise à l'index par le faubourg Saint-Germain, chassée par mon mari. Voilà où j'en suis réduite aujourd'hui. Pauvre comtesse, mais qu'est-ce qu'il était donc, cet homme? Il était dompteur au cirque Fernande. Comment est-ce possible, un dompteur? Oh, madame, il était si beau. Je me rappelle encore le jour où je le vis pour la première fois. J'étais au stall de première avec mon mari. Oh, il avait un temps. Ah, monsieur, votre mari avait... Hein? Mon mari? Mais non, lui, au contraire, ça rentrait. Non, le dompteur. Ah, oh, quel gars! Il fallait le voir dans sa cage, frappant les animaux féroces. Et allez donc! Oh, cet homme, disais-je, avec transport. Comme il doit bien taper sur une femme. Oh, quelle horreur! Eh bien, moi, un homme qui me ferait ça. Oh, madame, ne parlez pas d'une chose que vous ne connaissez pas. 15 jours plus tard, ce dompteur de mon cœur me recevait mystérieusement dans une petite garçonnière aussi élégante et parfumée que celle-ci. Mais elle se mettait bien, votre dompteur. C'était à mes frais. Oh, madame, n'ayez jamais de faiblesse pour un dompteur de chez Fernando. Je n'en ai pas l'intention. Aussi, ne serais-je trop vous approuver d'avoir choisi un galant homme comme monsieur Morisset. Mais monsieur Morisset n'est pour moi rien de ce que vous croyez, madame. Oh, pardon. Thank you. piano. Rubinstein? Vous connaissez Rubinstein? Oh, nous avons fait souvent de la musique ensemble. Non, voilà. Quand? Oh, avant la décadence. Je dois dire que depuis que je suis concierge, M. Rubinstein ne met plus les pieds chez moi. C'est à quatre mains. Oh, mais très volontiers, comtesse. Oh, merci, madame, merci bien. Deux mesures pour rien. Oui, c'est ça. Deux mesures pour rien. Alors, une, deux, une. Comtesse, c'est bien. Léon qui le piano est un concierge. Il n'y a plus de Pyrénées. Qu'est-ce que vous faites là? C'est un blond de genre. Mes compliments, comtesse. Comtesse! Ah! Eh ben, ah, j'ai bien le champagne, mais le tire-bouchon, où est-il? Dans le tiroir, sous les serviettes! Bon! Vous dérangez surtout pas! Non, non, non, je suis désolé de vous interrompre, continuez, je serai très bien. Oh, merci, merci, merci, merci. Reprenons-nous! Oh, non. Non, c'est trop difficile. Oh, dites-moi, comtesse, il y a longtemps que cette histoire vous est arrivée avec votre donteur. Oh, il y aura 12 ans à l'Immaculée Conception. Ça doit tout de même faire un drôle d'effet de se voir pincer en pareille situation. Oh, m'en parlez pas. Mais ce qu'il y a de plus bête là-dedans, c'est le piège banal auquel je me suis laissé prendre. Vraiment? Le départ simulé, madame, le mari qui va à la chasse. Hein? Et ça, c'est vieux jeu. À la chasse, son mari aussi. Tous les mêmes. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il n'y allait pas à la chasse. Parbleu, un prétexte pour aller chez sa maîtresse. Voilà. Hein? Mais non, pas du tout. Quand un mari va chez sa maîtresse, il dit qu'il va au cercle. C'est le cliché. Mais quand il dit qu'il va à la chasse... Ça ne prouve pas qu'il a une maîtresse? Non, ça prouve qu'il se méfie de sa femme et qu'il a l'intention de revenir pour la pincer. Oh mon Dieu. Quoi non? Oh mon Dieu! Mais je n'avais pas envisagé la question sous ce jour-là, cependant, madame. Madame, quand le mari va déjà prétexter comme cela plusieurs fois qu'il n'allait pas à la chasse... Eh bien, ça prouve que ses premières enquêtes n'ont pas abouti et qu'il recommence. Oh mon Dieu! Mais c'est affreux! Et moi qui me figurais que... Marisset! Mais qu'est-ce que là? Mais qu'est-ce qu'il y a? Oui, Marisset, ma gueule, ton chapeau! Hein? Je ne resterai pas une seconde de plus dans cet appartement! Léontine, qu'est-ce qui vous prend? Je me prends! Il me prend que vous avez abusé de ma confiance! En me faisant croire à des choses que vous n'avez même pas pu me prouver! Oh! Mais que Dieu merci, je n'ai rien à me reprocher! Je suis fidèle à mon mari! Oh, bah, par exemple! Vous voyez, monsieur, comme lui aussi, il m'est fidèle, le pauvre! Comment? Bah, c'est trop fort! Quand il va chez sa maîtresse, on vous en croit qu'il va à la chasse! Bien longtemps! Vous savez bien que quand on va chez sa maîtresse, on dit qu'on va au cercle. Tout le monde sait ça. On ne dit pas qu'on va à la chasse. Vous savez le cercle, la chasse? Non, monsieur, la chasse. Ça signifie que le mari a des soupçons sur sa femme et qu'il fait semblant de partir pour revenir et la pincer. Quoi? Mais où avez-vous pris et ça? Elle est demandée à la comtesse, elle vous le dira comment? À la... C'est vous qui avez dit ça? J'ai dit que... Mais de quoi vous mêlez-vous? Qu'est-ce qui vous a demandé quelque chose? Oh, monsieur, si j'avais pu prévoir. La tour prend garde. Elle est en dehors de tout cela. Je veux m'en aller, bien, je veux m'en aller, voilà tout. Mais ça m'aide la vie, allez-vous-en, vous. Oui, monsieur. Allez, filez, je vous ai assez vite. Merci, monsieur Morisset, mais enfin, Léontine, c'est pas sérieux. Eh bien, vous allez voir si ce n'est pas sérieux. Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend, voyons? Je vous quitte tranquille, oui. Calme, oui. Parfaitement disposé. Oui. Ah non. Je vais chercher un tire-bouchon, et quand je reviens, crac, changement complet. Vous avez fini, vous allez vous en aller. Certainement. Mais quelle bonne raison pouvez-vous me donner? Je n'ai pas de raison à donner. Ça suffit, je suis libre, je suis pas. Mais certainement pas, vous n'êtes pas libre d'ailleurs, j'ai votre parole et la parole c'est sacré. Oh, non, non, ben c'est ça qui me dégale. Vous m'avez donné une mission à remplir, celle de vous venger. J'accomplirai mon ministère jusqu'au bout. Mais il n'y a pas de ministère qui tienne. Dans le gouvernement, c'est possible, mais ici, c'est pas la même chose. Eh bien, vous allez voir quand vous allez vous venger. Mais Léontine, voyons, je vous aime. Oh oui, je vous aime, grisée de ton sourire. Non, non, non, non, mon ami, ça c'est inutile. Ah. Oui, il y en a quatre comme cela, je les connais. Oh, cruel. Et vous disiez que vous ne pouviez pas me résister quand je vous parlais en belle. Maintenant, je veux, je peux, là, je peux élaborer. Léontine, vous allez rester là. Ah, de la violence. Oui, de la violence, parce qu'il faut en employer. D'ailleurs, vous oubliez qu'en pénétrant sous ce toit, vous m'avez commis de ce fait le soin de votre réputation. Eh bien, j'entends la défendre jusqu'au bout, au besoin contre vous-même. Contre moi-même. Parfaitement contre vous-même. Mais pour vos gens, pour tout le monde, vous êtes à la campagne chez votre marraine. Eh bien, vous devez y rester chez votre marraine si vous ne voulez pas que tout le monde comprenne que votre marraine est une vieille balançoire. Alors là, vous verrez les commérages. Une fois, deux fois, vous ne voulez pas laisser partir. Non, non et non. C'est bien, je passerai la nuit sur ce canapé. Bon, très bien. Et moi, sur cette chaise. Comme vous voudrez. C'est bien raide, celle-là. Ah, pas plus que moi. Une nuit d'amour, passez chacun sur une chaise. Oh, mais je vous en prie, ne vous dérangez pas pour moi. Vous avez votre lit, couchez-vous. Allez-vous, Moi, je m'installerai à côté. Il y a bien un fauteuil, une chaise longue. Je ne le souffrirai pas. C'est vous qui prendrez cette chambre. Moi, coucher dans votre lit, ça jamais. Mais sans moi, voyons, sans moi. Oh, mais j'espère bien, non. Il ne manquerait plus que ça. Bon, eh ben, non. Oh, mais avec vous ou sans vous, vous savez, le résultat serait le même. Oh, ça dépend du point de vue auquel on se place, alors. Ah, non. Je m'installerai à côté sur une chaise longue. Et je dormirai comme ça ou je ne dormirai pas. Ce sera ma punition. Tout ça pour... Oh, ce concierge. Enfin, vous donnerez bien seulement une couverture, enfin, quelque chose. Oui, je veux bien. Vous savez, vous regretterez. Quoi? D'abord, il fait un froid de loup là-dedans. Bon, allez toujours. J'allumerai du feu. Oh, on y apprendra encore. Et ben, voilà une scène, hein. Elle croit que c'est délicat ce qu'elle fait là, d'abord me promettre et puis ensuite... Non. Je suis bon garçon, mais enfin, si elle fait tant d'histoire, il y en a d'autres, hein. D'abord, elle n'est pas si jolie que ça. Non, elle n'est pas si jolie que ça. M'y reprendra, moi, tiens. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, monsieur Morisset. Encore vous, allez-vous-en, vous, allez... Mais monsieur, c'est le locataire d'à côté, votre voisin de palier qui m'envoie vers vous. Non, fille, je le connais pas. Mais je sais bien, seulement sa nièce vient d'avoir une attaque de nerfs, et comme c'est que vous êtes médecin... Eh ben, dites-lui que je ne suis pas médecin de nuit. Puis allez-vous-en, j'ai pas envie de vous compliquer encore oui, la situation. Monsieur Morisset, t'as jamais vu ça, il y en a de l'aplomb, ce voisin. Je m'en fiche, moi, de sa nièce et de sa crise de nerfs. Qu'est-ce que vous cherchez? Des allumettes pour allumer le feu. Ah là, sur la cheminée? Eh bien, je vois bien, je ne suis pas sa femme, là. Oh là là. Oh, quel caractère. Oh, quel caractère. Son mari. Son pauvre mari qui est obligé de vivre avec elle. Ben, je le plains, celui-là, là. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, votre voisin. Mon bête, celui-là, je l'ai envoyé promener, moi, tiens. Qu'est-ce que vous voulez? Tu te fais... Sa femme qui est là. Je vous dis qu'on n'entre pas. Morisset. Elle est bien bonne, alors. C'est toi qui habites ici? C'est moi, Isabelle. C'est moi. Je ne l'avais pas dit. Mais non. Parce que je viens de louer ce soir, voilà. Ah, mais alors, c'est toi le médecin? Ben oui, c'est moi le médecin. C'est moi. J'ai vu Clémentine. Non, mais qu'est-ce que tu as? Rien. Oh, tu veux marcher la trappe de la cheminée, maintenant. Non, mais... Qui est par là? Rien, c'est des ramoneurs pour la cheminée. À cette heure-ci? Oui, c'est des ramoneurs de nuit. On fait ça la nuit maintenant. Ça ne sortira plus. Mais pourquoi pousses-tu le verrou? Pour la suie, pour que la suie entre pas ici. Allons, tu me racontes des histoires, toi. Avoue que tu es en bonne fortune. Moi? Et oui, bah quoi, il n'y a pas de honte. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder ce petit souper à deux couverts. Le souper y était quand j'ai loué l'appartement. Hein? C'est un appartement garni, ici. Ah, eh ben, Martin, on garnit bien les appartements, ici. Allons, ne fais pas le cachotier. D'ailleurs, on me l'a dit que tu avais une liaison avec une femme du monde. Qui t'a dit? Ben, Madame Latour, la concierge. Oui, je l'avoue, je suis en bonne fortune. Et dis-moi, et qui est l'heureuse victime? Non, la distraction. Oui, non, mais à moi. Justement, à toi. Tu as peur que j'aille le dire? Oh non. Eh ben alors, allons. C'est... Oh là là. C'est Madame Cassagne. Oh, la gueule. Allons donc. Je suis avec elle. Mais... Tu as pas confiance en moi, mais à ton aise, mon vieux. En attendant, je suis enchanté que tu sois le médecin, moi, et je t'emmène. Hein, où ça? Eh ben, chez ta voisine, Madame Cassin, qui vient d'avoir une crise de nerfs. Tu m'emmènes chez Madame Léontine. Alors, je cours chez la concierge, je l'envoie chez le pharmacien et je te retrouve. N'importe qui s'agit. Dis donc, il y a ton rameneur qui veut sortir. C'est rien. Elle va crier et reconnaîtra sa voix. Oh, le pire. Sans risque réintégrer votre domicile comme une personne qui revient bien tranquillement du château de Samarie. Jusque-là, dormons. Est-ce que vous croyez que je vais pouvoir dormir, moi? Bah, tâchez, je vais essayer d'en faire autant. Allez, bonsoir. Bonsoir. Oh, jamais je ne vous la pardonnerai, celle-là. Oh, pff. Vous dites? Je dis, oh là là là là. Ah bon? Bon, nous en sommes. Voilà. J'ai une fière idée de me fourrer dans ce guêpier-là. Voilà. Une histoire. Hein. pauvre petite femme. Ce sera très mal couché par là. Enfin, moi, je serai très bien. Ah, on m'y reprendra à vouloir subjuguer les femmes du monde, moi. Voilà. C'est bien fermé, ça. Oui, on peut pas rentrer. Ah, faut qu'à me coucher. S'est déshabillée et se met au lit. On n'a pas l'air, mais je suis en bonne fortune. Moi ici, puis elle là-bas. C'est ce qu'on appelle une intrigue d'amour. Elle dort, hein, imbécile, c'est ce que ça lui a fait. Oh, d'ailleurs, ses émotions m'ont brisé. Oh, où le diable est pas du monde. Pour me dire ça, vous êtes revenu? Non, monsieur. Je suis revenu pour chercher un coussin, monsieur. Bon, et bien vous l'avez. Il est sur ma tête. Eh bien oui, je l'ai. Je vous apporte à vous que je passe la nuit sur une chaise longue. Monsieur est bien couché. Écoutez, Léontine, voyons vous. Et monsieur va dormir tranquille, avec la conscience du devoir accompli. Oh là là, la badasse. Monsieur a failli perdre de réputation une femme honnête, une épouse fidèle. Car enfin, sans la bienheureuse couverture, ça y était. J'étais surprise chez vous. J'avais beau avoir ma conscience pour moi, pour tous. J'étais la femme coupable. Et vous viendrez me dire après ça que vous êtes un galant homme. Ah non, non, non! Mais osez donc le dire que vous êtes un galant homme! Il dort! Il dort! Il dort! Oh! Oh, cet homme! Oh! Oh! Oh! Léontine est sortie, la scène reste vide un instant. Et par la porte entre Gontran. Oh, mais j'ai pas d'allumette. N'aie pas peur, ma petite urbaine, c'est moi, Gontran. Elle répond pas, elle doit dormir. Comme c'est commode d'avoir sa clé, on peut venir à n'importe quelle heure. Elle va être joliment contente de me voir. Oui, elle dort. Seulement, elle a l'air un peu enrhumée. Pourvu qu'elle ait pas peur. Non, je vais la réveiller par un baiser. Une personne qui vous embrasse n'est jamais bien effrayante. Mais elle est fortement enrhumée. Elle sommeille dur. Qu'est-ce que c'est? Ah, non, non, non, non, mais allumettes, il est peut-être chez Léontine. Peut-être le fier avec une femme. Vite, gagnons le placard. Viens même ici. Mais je ne sais pas, moi, cher chaud. Il est là, dans mon lit, il m'a embrassé, je vous dis. Mais vous avez eu le cauchemar. Mais je vous dis qu'il m'a embrassé, oui. La porte est fermée. Regardez. Oh, j'ai eu la fièvre, moi, j'ai eu le délire. J'ai pourtant bien senti, enfin. Mais non, vous avez eu un cauchemar. Un cauchemar? Oh non, mon ami, vous savez, vous n'êtes pas drôle. On ne fait pas de ces émotions-là. Oh. Je vous demande pardon, mais j'ai tellement de bruit que... À cet égal, j'aime mieux ça. Eh bien, moi, j'aimerais mieux autre chose. Oh, quelle nuit, mon Dieu, quelle nuit. Ça, quelle nuit, alors? Cassez-vous donc, ouais. Mais où ça, mais dans le lit, mon frère, putain. Mais la fenêtre, mon reste une seule solution, payer d'audace. Payons d'audace. Du calme. Du calme. De la tenue. On s'apprête. Et dites comme moi, monsieur. Si, voilà, monsieur le commissaire. Entrez. Restez là, Guido. Et veuillez me dire en vertu de quel mandat vous forcez ma porte à par ailleurs. Je vais vous le dire. Mais d'abord, pardonnez-moi, monsieur et madame, de venir vous déranger d'une façon aussi intempestive. Si le magistrat l'instrumente, l'homme du monde s'excuse. Oui, c'est bien, monsieur, c'est bien. Ceci dit, je viens, monsieur, ou plutôt madame, à la requête de monsieur votre mari, constater la présence de monsieur dans votre domicile à cette heure avancée de la nuit. Je comprends pas. Oh, mais je suis marié, madame et ma femme. Alors, oui, monsieur, oui, nous la connaissons. Ah, il la connaît, alors. On nous répond ça tous les jours. Comme galant homme, j'approuve votre mensonge. Mais comme magistrat, vous vous appelez ? Docteur Morisset. Et vous, madame ? Madame Morisset, oui. Pourquoi vous entêtez ? Nous savons très bien que madame n'est pas madame Morisset. Madame et madame Cassagne. Madame Cassagne ? Il a dit madame Cassagne ? Oui, il a dit madame Cassagne ! Oh, mais c'est en face, monsieur, madame Cassagne. En face. Permettez, permettez. La concierge m'a dit au second, la porte à droite. Et il me semble que c'est là, ma droite. Mais non, monsieur, comme l'escalier dans ce sens-là, votre droite. C'est là, voyons. Oh, monsieur, que d'excuses, je vois ce que c'est. Je me serais retourné sur le palier, alors ma droite est devenue ma gauche. Oh, monsieur, dégage, monsieur, on ne dérange pas les gens là par ailleurs pour leur dire oh, ça. Monsieur, je suis désolé. Ah, oui, alors. Madame, mais continuez, je vous en prie. Continuez. C'est en face. Mais en face, monsieur. C'est trop. Léontine. Quoi ? C'est trop. Je viens de le dire. Excusez-moi, je n'avais pas entendu. Le commissaire ici. Ah, vous mettez le comble à vos foreurs. Mais voyons, est-ce que c'est de ma faute ? Moi, il m'a demandé Madame Cassagne. Eh bien, je l'ai envoyé chez Madame Cassagne. Ah oui ! Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh mon Dieu. Du Châtel qui est chez elle, il va se faire passer par le commissaire. Mais qu'est-ce que vous avez, voyons, qu'est-ce que vous oh avez ? Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Vous êtes content ? Mais non, vous j'ai pas content de ça. Parce que j'ai l'air d'un homme. Mais vous dansez, vous dansez, vous dansez, vous dansez, vous dansez, vous dansez, vous dansez. Léontine, écoutez-moi. Et Châtel vient d'entrer par la fenêtre. Ah, le pantalon de Morisset. Je suis sauvé. Théâtre de la Renaissance vient de se baisser sur le second acte de Monsieur Chasse de Georges Feydeau. André Ransan vous présente le troisième et dernier acte que vous allez entendre immédiatement. L'acte 3 nous reporte dans le décor du premier acte, c'est-à-dire un salon chez Duchotel. Au lever du rideau, la scène est vide. On entend un coup de sonnette, puis la porte du fond s'ouvre. Morisset est introduit par la bonne Babette. « Oui, monsieur, madame est revenue de la campagne par le premier train. Ah, elle est. Donc, et monsieur? Pas encore de retour. Bon, annoncez-moi, s'il vous plaît. Voilà, madame, monsieur. Ah. Vous, laissez-nous. Bien, madame. Enfin, vous voilà. Léontine, je n'ai pas osé me présenter plutôt de peur d'éveiller les soupçons, mais Dieu sait dans quelle inquiétude j'étais depuis ce matin. Je me demandais si vous étiez devenu après le drame de cette nuit. Oh, mon ami, je crois que je ne l'ai pas su moi-même ce que je devenais. Sur le moment, j'ai perdu la tête, je ne comprenais plus. Vous, disparu. La maison sans dessus. Oui. La fenêtre grande ouverte et Gontran surgissant d'un placard. Non, mais pourquoi Gontran, je vous le demande? Ah, ça, alors. J'ai cru que j'avais le délire. Je me suis sauvée comme une folle et je me suis retrouvée, je ne sais comment, dans la rue, tête nue. Oh là là là là. Tout le monde pouvait me reconnaître. Et j'aurais marché longtemps de la sorte si je n'avais pas été rappelée à la réalité par un jeune blanc bec qui est venu à moi et m'a dit: madame, j'ai 20 francs. Je vous demande un peu, qu'est-ce que ça pouvait me faire à moi qui ai eu 20 francs? Cherchez peut-être de la monnaie, vous savez. Enfin, n'importe. J'ai compris que je ne pouvais pas errer plus longtemps sur la voie publique. Alors, n'osant ni rentrer chez moi, ni me présenter dans un hôtel, j'ai allé à fiac fermé. Oh, mon ami, quel fiac! Et j'ai dit au cocher: faites le tour de la place de l'Europe, je vous prends à l'heure. Il a dû me prendre pour une folle, le cocher. Et nous avons tourné comme ça, jusqu'au matin. Je la sais par cœur, la place de l'Europe. Au moins, vous a-t-on bien remis ma lettre de ce matin, vous expliquant? Ah, eh bien, elle m'a édifiée sur la conduite de mon mari, votre lettre. Oh, non, non, non. Quand je pense que vous venez me soutenir, qu'un mari qui fait semblant d'aller à la chasse n'est pas un mari qui va chez sa maîtresse. Moi? Ah, ben, c'est trop fort. Voilà où il était, monsieur Duchotel, chez madame Cassagne. Oh, c'était que ça, mais ce qu'il y a de pire, c'est que c'est sur moi que ça tombe. C'est votre mari qui chasse sans permis et c'est moi qui ai la contravention. Ça, par exemple, c'est bien de votre faute. Puisque le commissaire vous avait aperçu un instant auparavant dans l'appartement à côté, dont il fallait vous expliquer. Oh, ben si vous croyez que je ne l'ai pas fait. Ah, ben oui, le commissaire. Ah, si vous croyez qu'on lui parle comme ça, au commissaire. Il m'a répondu: je n'ai pas entré dans ces détails. Je suis ici pour constater les faits, non pour les raisonner. Un homme était dans cette chambre avec madame. Il s'est enfui sans pantalon par le balcon. Nous l'avons rattrapé dans la même tenue. Il se trouve que c'est vous. J'ai pas à en savoir davantage et je dresse procès verbal. Le reste regarde le juge d'instruction. Mais il fallait insister. Mais j'ai pas pu. Il était pressé. Il allait dans le monde. Où ça? Au bal de l'hôtel de ville. Ah. Non, mais si vous croyez que ça va se passer comme ça, je vais de ce pas chez le commissaire de police. Je lui fais convoquer Duchâtel et une fois en présence tous les deux qu'il se débrouille. Absolument. Non, mais pourquoi est-ce que je me dévouerais, moi, hein? Nous aurions été surpris ensemble, nous deux. Est-ce que votre mari se serait dévoué pour nous? Non, alors. Mais c'est très juste. Et quant à moi, je sais ce qu'il me reste à faire. Le divorce. Quoi, vous pensez? Parfaitement. Personne ne sait rien de mon escapade d'hier, j'ai donc le beau rôle. Et pour commencer, comme je ne veux pas qu'il reste la moindre trace de mon équipée, vous allez me rendre ma lettre. Quoi, votre lettre, vous exigez? Mais c'est tout ce que j'ai pu obtenir allez, de vous, allez, Léon. Allez. Oh mon Dieu. Quoi? Oh mon Dieu, mon Dieu. Mais quoi? Elle est dans mon pantalon. Hein? Dans la poche de mon pantalon, votre mari la prend même dans mon pantalon. Ah, bien, nous sommes bien. Oh, non, non, non, vous le feriez exprès que vous ne réussiriez pas mieux. Mais enfin, est-ce que je pouvais prévoir que votre mari prendrait mon pantalon? Si vous ne prévoyez jamais rien. Et s'il l'a trouvé maintenant, cette lettre, s'il l'a lu? Oh, allons, comment voulez-vous? Il sait parfaitement que le vêtement lui appartient pas, il n'aura pas l'indiscrétion. Oh, est-ce qu'on sait? Eh ben alors, vous êtes femme et vous trouverez une explication. Oui, bien quoi? Eh ben, je sais pas, moi, par exemple, que le... Que la... Merci. Ou enfin, quelque chose comme ça. Laissez-moi. Ouais, ben, si vous permettez, je vais de ce pas chez le commissaire de police à l'heure où il m'attend. Oh, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, excusez-moi, Léon. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, cet homme-là est exaspérant avec son imprévoyance. Mais enfin, mais quand on a une lettre de femme, une lettre qui peut la compromettre, et puis on la fourre pas dans la poche de son pantalon, il n'est pas difficile de se dire: qu'est-ce qui arrivera si le mari met mon pantalon? Ouvre ça sous vos yeux! Ah non, non, non, il ne réfléchisse à rien! Et qu'est-ce que je vais lui raconter, hein, moi, à mon mari, s'il a trouvé la lettre? Que là, comme dit Morisset. Eh bien, ça ne suffira pas! Je perdrai une partie que j'aurais eue si belle pour une pareille inconséquence! Oh non, non, non, c'est impossible! Madame, je viens d'apercevoir monsieur qui descend de voiture. Monsieur, eh bien, allez lui ouvrir. Je verrai bien tout de suite s'il a pris connaissance de ma lettre. Et si par bonheur il ne sait rien. Nous nous amuserons, monsieur Duchâtel. Je vais vous laisser patauger. Voilà, monsieur, madame. Madame. Oui, madame. Toi, déjà? Oh, Léontine, ma Léontine. Il ne sait rien. Elle ne sait rien. Et tu n'as pas été trop fatiguée par ta chasse? Ah, oh, pas du tout, pas du tout, au contraire. Ah, oh, mais j'en suis bien aise. Nous avons fait une chasse superbe. Oh. Figure-toi que depuis 7 heures du matin... Monsieur n'a pas eu froid? Oh non, j'étais au chaud. Tu étais au chaud? Oui, enfin, j'étais au chaud dans mes vêtements. Oui. Alors, c'est égal, j'avais hâte de revenir. C'est drôle, chaque fois que je suis loin de toi, Cassac voulait absolument me garder, tu sais. Vraiment? Mais je n'ai rien voulu entendre. Je lui ai dit, nous avons chassé 5 heures, ça suffit. Moi, je retourne auprès de ma petite femme adorée. Comédien avant. Oh, si vous savez quelle chasse nous avons faite. Il faisait un temps. Ah, c'est sans doute pour ça que vous l'a changé de pantalon. Quoi? Ah oui. Mais comment, tu t'en es aperçu? Oh, les femmes voient tout. Il est un peu gros. Oui, il est un peu grand. Figure-toi que j'étais trempé. Alors Cassac, ce brave ami Cassac, m'a dit que tu ne peux pas garder ce pantalon-là. Je vais t'en prêter un des miens. Ah, mais c'est ça. C'est ça, oui. Il n'est pas tout à fait à ma taille. Mais plutôt que d'attraper mal, n'est-ce pas? Bien, voulez-vous m'apporter le pantalon que je mets tous les jours? Bien, monsieur. Allez, voilà. Ah, mais quelle belle chasse! Ah, tu n'as pas idée! Oui, t'as! Et puis tu sais, je me suis distingué, j'ai été étonnant! J'ai fait un certain doublé! Un doublé? Ah! Figure-toi, un chevreuil à gauche qui filait comme ça, et qui, en passant, fait lever un coq de bruyère! Pan, pan, flan! Oh, j'ai tué Cassagne! Tu as tué Cassagne? Oui. Enfin, je l'ai stupéfié. Ah, et le gibier, tu l'as tué aussi? Mais naturellement, les deux, ma chère. C'est pour ça que Cassagne... A été tué. Hein? Oui, enfin... Non, mais il faut que je te montre tout ce que j'ai rapporté. Tu n'as pas une paire de ciseaux? Oh, mais comment donc, je vais t'en chercher. Je suis bien trop curieuse de voir le résultat de ta chasse. Oh, tu verras! Tartuffe, va! J'ai un poids de moins, moi. C'est vrai, j'avoue que j'étais dans les transes en venant ici. Oh, c'est égal. Je crois que l'histoire du doublé n'a pas fait mal dans le tableau. C'est bien couleur locale, ça. Pan, pan. 40 francs chez Chevet. J'ai dit au vendeur, ou plutôt non, j'ai crié au vendeur parce qu'il était sourd comme un poule. J'ai dit, faites-moi un joli choix de gibier, poil et plumes, le tout empaqueté dans une bourriche. Il m'a soigné ça. Ah, voyons la note. Tiens, l'écriture de ma femme. Bon. Inutile de laisser traîner des pièces compromettantes. Eh bien, voyons cette bourriche. J'avoue que j'ai hâte d'en voir le contenu. Mais la voilà, ma chère, la voilà. Tu y trouveras toute ma chasse. Et bien sûr que c'est ta chasse que j'y trouverai. Mais comment, si j'en suis sûr, madame, voyons. Parce que tu me fais l'effet d'un monsieur qui n'y a pas été du tout. Allons, bon, ça va te reprendre comme hier. Quand je te raconte mes exploits cinégétiques. Quand je te rapporte du gibier plein cette bourriche. Oui, des lièvres et des lapins. Oh, non, il n'y en a pas cette fois. Mais voilà, tu verras. Mais c'est ce que je fais. Fabo, taillou. Mes compliments. C'est ta chasse, ça? Mais oui, ma chère. Et ça? Mais parfaitement. Et ça? Et ça? C'est ta chasse, tout ça? Ah non, ça, non, écoute, je... Ça, non. Non, je vais te dire, c'est exprès. Tu sais, le gibier, par ses temps orageux, il... Rêve de mensonge. Mais non, mais comprends-moi, Léontine. Mais je n'ai pas besoin de comprendre. Oh, quel idiot, ce marchand. Mais voyons, Léontine, c'est... Qu'est-ce que... Je lui dis du gibier empaqueté dans une bourriche, il entend empâté dans une bourriche. Oh, Léontine, tu ne me crois pas? Non. Oh. Non, je ne te crois pas. Parce que ta chasse n'est qu'un mensonge. Oh. Parce que tu n'as pas été à Liancourt. Oh. Et quant à ton Cassagne, non seulement il n'y a pas été avec toi, mais il n'a jamais su ce que c'était que la chasse de sa vie. Vraiment? Mais où as-tu pris ça, ma pauvre? C'est lui-même qui me l'a dit. Comment il est donc venu? Pas plus tard qu'hier, tu venais de partir. Oh, que c'est bête. Ah, ça t'effondre, ça, hein? Moi? Oh, par exemple, ça. Comment? C'est parce que Cassagne t'a dit qu'alors tu crois que... Mais tu connais donc pas Cassagne? C'est son coup de soleil. Tu sais donc pas qu'il a reçu un coup de soleil en Afrique et que depuis ça lui a enlevé la mémoire? Alors tu lui demandes s'il va à la chasse, il te répond non, mais parbleu, il est sincère, il se rappelle plus. Pas chasseur, lui. Oh, je voudrais qu'il fût là pour le dire devant moi. Tiens, je voudrais qu'il fût là. Monsieur Cassagne. Eh bien, moi satisfait. Oh, l'animal. Bonjour, madame. Bonjour, cher ami. Ah, c'est toi, chute, pas un mot. Quoi? Ce bon Cassagne, nous avons chassé ensemble. Non. Mais si, alors tu vas bien depuis ce matin? Oh, depuis ce matin, depuis hier, depuis la montière. Oui, je sais, es-tu bête? Non, mais mon mari vous demande spécialement depuis ce matin, puisqu'il vous a vu à la chasse. Ah, mais oui, tu sais bien, à la chasse. Tu te rappelles mon doublé, le chevreuil, la pampan et puis le coq de bruyère, pam. Qu'est-ce qu'il chante? Tu vois, il se rappelle très bien. Oh, mais d'ailleurs, nous avons vu le résultat de vos exploits. Tu es enrhumé? Ouais, non, pas du tout. Je croyais. En avez-vous fait une hécatombe, vous deux? Avoir tué tout ça? Mais c'est des pâtés. Oui, oui, de la chasse de mon mari. Comment tu tires des pâtés, toi? Non. Mais non. Mais tu sais bien que le gibier passe ses temps. Qu'est-ce que tu as à faire, l'imbécile? Ah, ben dis donc. Mesdames, puisque vous étiez à la chasse ensemble. Ouais. Mais oui. Mais non, madame. Non. Mais si. Mais tu vois, ma chère amie, c'est ce que je te disais, c'est son coup de soleil. Mon coup de soleil? Oui, naturellement, tu t'en souviens pas de ton coup de soleil, forcément, puisqu'il t'a enlevé la mémoire. Crois-tu que c'est triste, une infirmité pareille? Qu'est-ce que tu as? Rien. J'admire vos qualités de comédien. À moi? Ah, vous avez du talent, mon cher. Mais vrai. Il faut que vous ayez une bien meilleure opinion de moi pour penser m'abuser avec des histoires aussi misérables. Non, tu l'as fait. Mais attends! Est-ce que vous croyez que je ne sais pas tout? Est-ce que vous pensez que je m'imagine que votre chasse n'avait été un prétexte pour abriter vos fredonnes? Réveillez donc le courage de vos fautes! Que je puisse me dire, c'est un homme sans foi, oui, mais du moins, c'est un homme! Mais voyons, Léontine, je ne. Ah, laisse-moi, tu m'exaspères! Madame a sonné? Oui, débarrassez ça. Bien, madame. Et voilà le pantalon que monsieur m'a demandé. Merci. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la chasse de monsieur. Allez. Mais voyons, Léontine. Ah, non. Ah, écoute-moi, Léontine, je te jure. Non. Mais mon petit, je te jure que il y a du grabuge, il y a du grabuge. Oh, ça, triple maladroit. Tu ne pouvais pas te taire. Ouais. Mais tu comprends donc rien. Tu n'as pas deviné que tu me servais de prétexte auprès de ma femme et que je lui avais dit que j'allais chez toi. Pourquoi faire? Mais parbleu, parce que je. Hein? Et puis, est-ce que ça te regarde? Oh non, c'est insensé, ça. Voilà un garçon qui n'est pas venu me voir pendant des années. Je m'en fais un alibi très commode. Et il faut qu'il choisisse juste le jour où je suis censé chez lui pour débarquer dans mon ménage. Est-ce que je pouvais savoir? Oh, tu ne sais jamais rien. Que diable, quand on a pris l'habitude de ne pas mettre les pieds chez les gens, il me semble que la première chose à faire avant d'y retourner, c'est de se dire, halte là, informons-nous d'abord si nous ne servons pas d'alibi au mari. Il me semble que ça saute aux yeux, ça. Et qu'est-ce que tu veux? Je ne suis pas sorcier. Oh non, tu n'es pas sorcier. Tu n'as pas besoin de me le dire. Oh, il y a des gens qui ont la visite malheureuse. S'ils reviennent quand tu changes de culotte. Oui, alors qu'est-ce que tu veux, hein? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ben voilà. Tu vas peut-être me trouver indiscret. Oh, c'est bien possible, ça. Et j'ai pris rendez-vous ici avec le commissaire de police. Chez moi? Oui. Oh, voilà une idée. Tu m'amènes des commissaires à présent? Oui, oui. Comme j'avais pour habitude de prendre toujours conseil de toi, mais avant tout, j'ai le plaisir de t'annoncer que j'ai surpris ma femme cette nuit en flagrant délit d'adultère. C'est toi qui as fait ce coup-là? C'est moi. Oh, l'idiot, de quoi se mêle-t-il? Quoi, tu as surpris ta femme? Tu as pincé ta femme, tu n'as rien pincé du tout, puisque vous ne tenez pas la main. Ah, mais pardon, c'est que justement, nous la tenons la main. Vous tenez la main? Parfaitement. Oh non, c'est pas moi qui vais la raconter, celle-là. C'est un nommé Morisset. Hein? Morisset, docteur en médecine. Il a avoué? Ah non, il nie le coquin. Mais son pantalon le trahit, son pantalon qu'il a oublié dans la fuite. Mon pantalon, ah non, ça c'est le bouquet. Au fait, est-ce que tu n'en connais pas un, toi, de Morisset? Hein, moi? Pas du tout. Morisset, je ne connais pas. Monsieur Morisset! Alors bon, oh non, j'ai la guigne, moi. Morisset, mais qu'est-ce que tu me chantes que tu ne connais pas? Mais qu'est-ce qui a dit ça? Toi, moi? Moi? J'ai dit ça? Jamais de la vie. Comment? Quand j'ai demandé si tu connaissais Morisset? Ah, d'abord, tu n'as pas dit Morisset, tu as dit Morussec. Quoi, Morussec? Je t'assure, j'ai entendu Morussec. Tu t'en es peut-être pas aperçu, mais tu as dit Morussec. Sans ça, Morisset, parbleu, moi je le connais que lui. Alors, c'est Morisset? Ah non, aucun rapport, c'est mon chemisier. Ah, en effet, un chemisier. Et il est bon? Excellent! Ah, enfin, te voilà, je fais de rico, toi. Oh, tais-toi, c'est pas cette Marie. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que c'est Marie, c'est Cassagne. C'est Cassagne, mais tant mieux, c'est pas Cassagne. Quoi, non, alors tu vas bien, vous? Oui, mais il s'agit pas de ça, je te prie de me dire. Oui, tout à l'heure, je te dirai tout à l'heure. Dis donc. Quoi? Tu l'as tué très long, ton chemisier, toi? Eh oui! C'est un chemisier d'enfance. Voilà, mon cher Morisset, je te présente mon ami Cassagne. Enchanté. Complément, monsieur, encore une fois, je te prie de me dire... Tout à l'heure, es-tu pressé? Oh. Es-tu pressé? Oui. Espère un moment. Quoi? Espère un peu. Je ne vous cache pas, monsieur, qu'il est dans mes intentions de me faire faire avant peu une douzaine de chemises. Mais j'ai voulu avoir quelque chose de bon dans les 14 francs au plus. Je m'en parle, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Qu'est-ce que tu veux que ça lui fasse que tu aies besoin de chemise? Puisqu'il est chemisier. Il s'agit bien de chemise, c'est de pantalon qu'il s'agit. Et puisque je vous rends compte, je ne serais pas fâché d'avoir avec vous une petite conversation. Mais volontiers, mais non. Mais si, voyons. Mais non, nous avons le temps. Oh, voilà, puisque monsieur, vous me me parler. Mais non, il veut t'expliquer la façon dont il coupe les chemises. Ça t'intéresse pas, tu vois, c'est juste une manie qu'il a. Allez, va, va, va, va, va, va. Mais pourquoi faire? Mais parce que il va prendre mes mesures, oui, je vais me mettre tout nu. Là, allez, va, va, va. Mais le commissaire. Bah, le commissaire, je t'appellerai quand il sera là. Allez, va, va, va. Mais n'oublie pas. Non, hein, non, non, allez, va. Quelle journée. Alors, à toi, qu'est-ce que tu veux? Il le demande, lui. Mon pantalon. Où est mon pantalon? Comment, c'est pour ça? Mais il est là, ton pantalon. Ah, on va pas là. Ben là, ah, là. Ouf. Oh, tant d'histoire pour une culotte. Non, mais dis, les affaires, les objets qui étaient dedans. Mais ils y sont. Tu supposes pas que j'ai barboté dans les poches, non? Ah, oh, ça y est, nous tenons la lettre. Venons-en au fait. Tu t'es bien conduit, toi, cette nuit? Ouais. Oui. Tu sais ce dont tu es la cause avec ton équipé, là. Ah oui, oui, oui, on me l'a dit. Ouais. Tu t'es fait passer à ma place. Ouais. Ah, ben, qu'est-ce que tu veux, c'est très malheureux, mais ça vaut encore mieux que si c'était moi. Moi, ça vaut encore mieux, t'es bon, toi. Mais je tiens pas à payer pour les autres, moi, je te prie de me sortir de là, hein. Moi, jamais de la vie. Quoi? Non, ben, parce que ça me regarde, parce que c'est ma faute si je t'ai fait passer, moi. Mais dis donc, mais je. Non, comment, enfin, voyons. Pour l'honneur, une femme. Je suis l'amant. Je risque de me casser le cou en enjambant des fenêtres, en franchissant des balcons. Je réussis des prodiges, d'héroïsme, je sauve la situation. Et parce qu'un maladroit s'est jeté en caleçon dans les jambes du commissaire... Mais tu m'avais pris mon pantalon. Mais pourquoi ne l'avais-tu pas sur toi? Ça t'apprendra à te promener dans les plus inconvenantes. Si l'Académie de médecine savait ça... Mais c'est trop... Tu crois que ça va en rester là, toi? J'en sais rien, mon vieux, débrouille-toi. Moi, je connais qu'une chose, j'ai pas été passé, je suis pas passé. Oh, pas tu vas voir. Chut, si ça va... Bon, elle a pas l'air calmée. Bonjour, madame. Cassez-vous, Marissé, bonjour. Léontine. Quoi? Tu me boudes toujours. Oh, bien, j'ai bien autre chose en tête. Qu'est-ce que c'est que ce pantalon que vous portez sur votre épaule? Un pantalon que Duchâtel m'a rendu. Oh, l'idiot! C'est donc à Marissé que vous rendez les pantalons de Monsieur Cassagne? Ah non, je ne le lui ai pas rendu. Seulement, je venais de le quitter, moi. Alors, je savais pas où le mettre. Alors, je lui ai jeté sur l'épaule. Mais je vais le lui reprendre. Mais non! Mais non! Mais pas du tout, il est à moi! Oh, il est beau, lui! Il est animal! Malheureuse, vous pensez donc pas que la lettre est dedans? Mais si, justement, je savais bien que vous ne le lâcheriez pas! Oh, ça va aller renversant! Eh bien, oui, Léontine, écoute, après tout, moi je pourrais dissimuler, mais je préfère te le dire carrément, ce pantalon est à Maurice. Ouais. Allons, voilà où je voulais vous amener! Et la chasse, hein? Avouez-vous aussi? Avouez-vous pour la chasse? Eh bien, oui, oui, puisqu'après tout, de ce que je pourrais dire, on rien. Chasse, hein? Je n'ai pas été à la chasse, pas plus avec Cassagne qu'avec un autre. Quand je le disais. Dis-donc, tu ne m'oublies pas. Non. Oh, madame, je voulais vous dire. Tiens, ouais. Je n'avais pas bien saisi votre question tout à l'heure à propos de la chasse. Mais je crois bien que nous avons chassé ensemble, Duchâtel et moi. Vraiment. Voilà la malheureuse, lui. Mais non, mais non, mais tais-toi donc, voyons. Mais comment... Qu'est-ce que tu vas raconter avec ta chasse? Ah, bah, mais non, ma femme sait très bien que nous n'avons pas chassé ensemble. Oh, mais voyons. Quel besoin as-tu de dire des mensonges? Mais non. Et tu menteur, hein? Oh non, ça suffit, allez, va. Mais on sait jamais ce qu'elle peut danser avec. Mais ne danse pas, qu'est-ce qu'il te demande de danser? Allez, va. Dis donc. Tu penseras quand le commissaire sera là. Oui, allez, va. Ah donc, quel girouet. Allez, va. Je n'ai jamais vu un coup de soleil pareil. De quel commissaire parle Monsieur Cassel? Ah, le commissaire. Eh bien, ça, c'est rien. C'est une affaire à lui, une affaire sans aucune importance, d'ailleurs. C'est sa femme qui a été pincée en flagrant délit. Avec vous? Avec moi. Comment avec moi? Non, mais qu'est-ce que tu me fais dire? Avec moi? Mais enfin, est-ce que le mari serait là si c'était avec moi? Alors chez quelle maîtresse alliez-vous donc? Mais je n'allais pas chez une maîtresse. Oh non, donc vous n'allez pas me raconter des choses pareilles. Mais je t'assure, Léontine, une maîtresse, moi. Oh, enfin, voyons, Morisset. Ah, moi je ne sais pas, mon ami. Alors pourquoi ces chasses simulées? Ah, c'est une surprise que je voulais te faire. Mes paroles, une maison, une petite maison au bord de la mer que je voulais te louer. Voyons donc, vous n'avez pas fait tant de mystère. Il y a une histoire de femme là-dessous. Mais non, je t'assure, une maison, une petite maison. Il n'y a pas de femme dessous. Et moi, pendant ce temps, j'attendais naïve et confiante au domicile conjugal. Non, mais voyons, Léontine. C'est que moi, je suis une femme honnête. Je suis une femme fidèle, moi, n'est-ce pas, Morisset? Oui. Eh bien, moi, je suis un... N'est-ce pas, Morisset? Oui. C'est que moi, je n'ai jamais cherché à tromper mon mari, moi. N'est-ce pas, Morisset? Oh non. Eh bien, moi, je n'ai jamais songé à tromper ma femme, moi. N'est-ce pas, Morisset? Mais non. Mais vous êtes fidèles tous les deux. Monsieur Gontran. Gontran. Ah ça, qu'est-ce que vous faisiez dans cette nuit 40 rue d'Athènes? Mais tu as donc Mais pas du tout, c'est toi. Pas un mot de cette nuit, 500 francs pour toi. Pas un mot de cette nuit, vous aurez les 500 francs plus de moitié. Oh. Tiens. Eh ben voilà, je l'ai lâché. Eh bien, moi aussi. Eh oui. Du moment que tu lâches, alors nous lâchons. Eh oui. quoi? Rien. Ah, non. Non, je croyais. Non. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Là, et ben maintenant, on t'a assez vu. Oui, on l'a assez vu, on l'a assez vu. Nous avons un causé, tu nous rejoindras plus tard. Va maintenant au salon, je te donnerai les 500 francs. Bien. Adieu, ma tante. Adieu, Gontran. Je vous donnerai les 500 francs. Allez, ma tante, au salon. Au salon. Elle aussi. Et ben, ils se rencontreront. Là. Et ben, comme ça, elle ne sera pas les pieds dans le plat. Eh bien, nous l'avons échappé belle. On l'a sonné. On l'a sonné. On a sonné. Alors. Qui ça peut-il être? Oh, moi non plus. Monsieur Bridois. C'est Monsieur Bridois. C'est Monsieur Bridois. Monsieur Bridois. Tu connais Monsieur Bridois? Non, mais pas du tout. Vous connaissez Monsieur Bridois? Je ne l'ai jamais vu, moi. Eh ben, moi non plus. Eh ben, alors, faites entrer. Si monsieur veut entrer. Monsieur, le commissaire de police. Et ma femme qui est là. C'est pour l'affaire Cassagne dont je t'ai parlé. Oui, oui, je sais. Monsieur Duchâtel. C'est lui. C'est moi, monsieur. Vous venez pour l'affaire Cassagne. Eh bien, monsieur Cassagne est là, je vais le chercher. Et voici déjà monsieur Morisset. Oui, en effet. Et madame Morisset, si je me trompe. Et de madame Roy. Mais où ça, madame Morisset? Madame... Ah, non, madame et madame Duchotel, ma femme. Ah, c'est... Et oui, nous. Et madame, oui. Et madame... Monsieur, je vais vous expliquer. C'est tout simple, il suffit, madame, il suffit. Le magistrat est muet et l'homme du monde ignore. Allez. C'est professionnel. C'est professionnel. Ah, voici monsieur Cassagne. Ah, monsieur le commissaire. Si je vous ai prié de venir ici, c'est que je tenais à ce que l'affaire s'instruisit devant mon bon ami Duchotel. Tu vois. Et j'y ai souscrit d'autant mieux que j'y ai été sollicité par l'inculpé lui-même, lequel se défendant énergiquement de l'accusation portée contre lui, m'a assuré que précisément ici, nous connaîtrions le véritable coupable. Parfaitement dit, monsieur. Parfaitement. Mais de quoi se mêle-t-il le marchand de camisole? Oui, non, t'es pas là. Ma chère Léontine, c'est une affaire personnelle à monsieur Cassagne. Alors si donc tu voulais nous laisser... Oh, mais pas du tout, c'est... madame n'est pas de trop. Je vous en prie, madame. Ah, il la manque jamais, la gaffe. Messieurs, est-il nécessaire de vous rappeler les faits? À la requête de monsieur Cassagne, j'ai surpris cette fille, madame Cassagne, en flagrant délit d'adultère. Pardon. Monsieur? Compliment. Je vous fais mes compliments. Je suis le mari. Ah, parfaitement. Chargé de rattraper son complice, qui avait eu le temps de s'esquiver par la fenêtre et que nous savions devoir être en caleçon au plus, puisqu'il avait oublié son pantalon dans sa fuite, je lançai mes agents sur sa trace. Et 5 minutes après, ces hommes me ramenaient un individu dans la tenue précitée et qu'ils avaient arrêté dans l'appartement voisin, M. Morisset. Mais c'est une coïncidence, voyez. Je suis victime d'une erreur judiciaire. Ah parce qu'il y a... Quoi? Alors c'était vous? Moi quoi? Rien. Tu m'avais dit qu'il était chemisier. Dans la crainte d'une altercation, tu nous donnes des émotions, là, tais-toi donc. Allez. Vous le voyez, monsieur Morisset oppose les délégations les plus absolues aux accusations formulées contre lui. Et de fait, si les apparences l'accablent, je dois dire que certaines circonstances semblent donner raison à son dire. Nous avons d'abord fait sur lui l'essai du pantalon. Il ne lui va pas du tout. Alors c'est probant. Nous avons d'ailleurs pris soin d'apporter ici cette caisse à conviction. Ah non, mais c'est inutile, voyons. Enfin, monsieur le commissaire, quel besoin avez-vous au bout du compte de tenir le complice? Vous avez surpris madame Cassagne, vous avez trouvé un pantalon chez elle. Il me semble que ça suffit. Moi, ça me suffit. Ah, moi aussi. Oui, mais pas à la loi. Il ne suffit pas qu'une femme soit trouvée en tête à tête avec un pantalon pour que ça constitue un flagrant délit. Allez, voici l'objet. Et devant ma femme, elle va le reconnaître. Ça y est. Il s'agit maintenant de trouver le propriétaire de ce vêtement. Comment? Rien. Seulement, comment le trouver? Ah, voilà. Mais on ne le trouvera pas, voyons. Voyons, monsieur le commissaire, vous n'allez pas vous installer dans la rue et essayer ce pantalon à tous les gens qui passent, voyons. C'est une affaire à classer, ça. Ah, permettez, monsieur. Nous ne classons pas comme ça. Ah, non, non, j'en sortirai pas. Mais on m'oublie, moi, dans le salon. Tiens, mon pantalon. Hein? Son pantalon. Vous avez entendu, son pantalon. Mais oui, mais qu'est-ce qui bien. Rien, rien, ça s'en fera pour toi si c'est toujours ton pantalon. Allez. Vous reconnaissez que ce pantalon est le vôtre? Plus que jamais. Vous reconnaissez alors que vous étiez cette nuit au 40 rue d'Athènes? Ah tiens, comment le savez-vous? Il le reconnaît, messieurs, vous voyez, il le reconnaît. Oh, oui, mais pourquoi pas? Là, c'est clair. Brave garçon. Vous vous appelez? Monsieur? Votre nom? Gontran Morillon. Pourquoi? Et peut-on vous demander ce que vous alliez faire 40 rue d'Athènes? Tiens, parbleu, j'allais chez ma petite femme. Oh, petite femme, vous n'avez pas l'air de vous douter que c'est aussi la mienne. La vôtre? Oh, c'est le singe. Le singe? Le singe pour qui je me cachais dans le placard. Ah, oh, vous avez l'air du singe. Prenez acte, monsieur le commissaire, prenez acte. Le commissaire? Enfin, je le tiens, mon divorce. Sans divorce, mais elle savait qui êtes-vous, donc vous n'êtes donc pas le protecteur? Je suis le mari, monsieur. C'est monsieur des voitures, mais monsieur, je n'avais pas dit qu'elle était mariée, je vous jure qu'elle m'en avait rien dit. Il suffit, monsieur. Je sais ce que je voulais savoir et je vais agir à l'instant même. Messieurs, madame, je vous salue. Ah, mais non, monsieur. Non, mais laisse-le dedans, laisse-le dedans. Mais pas du tout, monsieur. Moi, j'y comprends rien du tout, alors. J'ai un poids de moins, moi. Voilà. Je vois que ma mission est terminée. Monsieur Morisset, il ne me reste qu'à m'excuser auprès de vous. Madame, je vous présente mes respects. Monsieur Dijotel, votre serviteur. Je vous accompagne, monsieur. Venez par ici. J'ai eu une souleur. Par exemple, est-ce qu'on peut taper un incident d'audience, alors? Si vous croyez que cela modifie en rien mes idées, il a peut-être pu donner le change au commissaire, mais pas à moi. Ah, puisque nous sommes seuls, profitez-en pour me rendre ma lettre. Ah oui, où est mon pantalon? On peut dire que c'est la journée au pantalon. Allons, donc. Voyons, vous faites des mots après. Je vois bien, allez. Merci. Mon porte-monnaie. Je vois. Tire-bouchon. Ah oui, celui d'hier, c'est celui à partir duquel vous avez eu votre revirement. Vite, vite, dépêchez-vous. Oui. Mais alors, il n'y a pas de lettre? Mais comment pas de lettre? Mais nous, il n'y a pas de lettre. Mais c'est pas la peine de chercher, voilà une jambe. Voilà l'autre, et bien j'en ai que deux, il n'y a pas de... Qu'est-ce que vous faites là? Je montrais mon pantalon à madame Duchotel. Ah, ah ben c'est intéressant, ça. Eh ben, tu as vu, ce farceur de Gontran, hein, qui est-ce qu'on aurait pu se douter avec madame Cassaille, là? Oh, c'était Gontran. Oui, oui, attends un peu. Oh, quand je pense que t'as pu me soupçonner un moment. Oh, oh, oh, c'était ce gamin. Oh, mais d'ailleurs, cela ne m'a pas autrement étonné. Il y avait longtemps que Gontran m'avait confié ses relations avec madame Cassaille. Quoi? Comment? Vous ne saviez pas qu'il était du dernier bien avec elle? Mais non! Comment c'était donc vrai, ça? Mais c'est même pour le dépenser avec elle qu'il vous empruntait de l'argent. Avec elle? Mais c'est moi qui payais, je payais pour deux, oui. Seulement, ce qui le chiffonnait, le pauvre garçon, c'est qu'il paraît qu'elle avait aussi un vieux. Un vieux? Mais qu'est-ce qu'elle dit, ça? Eh bien, elle, à lui. Elle? Ben voilà des façons de parler, un vieux. Enfin non, c'est pas possible qu'elle ait dit ça, elle, un vieux. Qu'est-ce que ça vous fait? Quoi? Mais excusez-moi, ça me fait... Mais parbleu, je suis pas un vieux, moi. Oh! Alors, non, non, non, bah, attention, tu vas t'enferrer. Non, non, non, non, tu m'ennuies, tu vois. Vous êtes coupé. Non, non, je vais t'expliquer. Mais avouez donc, vous voyez bien que je suis édifié. C'était vous qui étiez cette nuit chez madame Cassagne. Eh bien, après tout, oui. Je vois que je n'en sors pas avec tous ces mensonges et j'aime mieux avouer carrément. J'étais cette nuit chez madame Cassagne. Enfin, vous vous décidez. Je sais pas mentir. Oh, il ne sait pas mentir. Mais si j'allais par là. Non, non, mon ami, vous n'êtes pas de trop. Monsieur, tout est fini entre nous. Oh, voyons, Léontine, pardonne-moi. Jamais de la vie. Mais voyons, je m'en vais. M'en vais, dis quelque chose, toi, tu ne dis rien. Mais si, voyons, madame. Là, tu vois, écoute-le. Léontine, je te jure que je ne verrai plus madame Cassagne. Ni elle, ni d'autres. Oh, ça se dit. Mais ça se dit. Mais oui, ça se dit. Oh, donc tais-toi, non, toi, c'est du débat. Léontine, plus d'infidélité, plus de chasse et plus de bourriche. Et tiens, la bourriche, rien que me forcer à te le dire, eh bien, elle venait de chez le marchand de comestibles. Ah, mes paroles. Et si tu me crois pas, tiens, tiens, voici la note. Ah ben non, je l'ai jeté au feu. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce papier? Ma lettre. Tiens, c'est de toi. Oui, oui, je sais. Non, non, non, laisse donc. Oh Dieu. Mon ami, je n'ai qu'une parole. À l'heure qu'il est, il n'y a plus d'obstacle entre nous. Il n'y a plus d'obstacle entre nous. À propos de quoi m'écrivais-tu dans le sac? Mais je ne sais pas, C'était un soir où tu m'avais demandé d'aller chez le... De quoi? De quoi te mets-tu, toi? Comment peux-tu savoir? Voyons, libre de moi-même, c'est à vous que je m'engage. Ah! Je sais. C'est un ou deux jours avant nos fiançailles. Dites-vous bien que s'il agit de la sorte, c'est qu'il l'a bien voulu. Eh bien, parfaitement. Il, c'était son père. Ah! Oui. Eh bien, tu ne le croirais pas, Léontine, mais je ne me la rappelais pas du tout, cette lettre-là. Oh, comment tu veux? Non. Ah, mais maintenant, je me la rappelle très bien. Eh bien, Léontine, en souvenir de ce moment, en souvenir des instants où tu m'as écrit cette lettre, pardonne-moi. Jamais de la vie. Oh. Il n'a rien voulu savoir, monsieur des voitures. Gontran, joins-toi à moi pour fléchir ta tante. Moi? Léontine, puisque je te promets d'être à l'avenir le modèle des époux. Pardonnez-lui, madame. C'est ça, C'est un grand coupable. C'est un... Pardon, t'es pas donc. Ma tante, permettez-moi d'insister. C'est inutile. Au nom de la dame qui était cette nuit 40 rue d'Athènes. Au nom de là? C'est bien. Je pardonne. Ah! Allez, mais ne chassez plus. Je chasserai peut-être, mais je ne pêcherai plus. Et moi, je remporte mon pantalon. Radiodiffusion Télévision Française vient de vous présenter par transmission différée le spectacle actuel que donne le Théâtre de la Renaissance à Paris et dont M. Jean d'Arcante est le directeur. Vous avez entendu M. Chasse, trois actes de Georges Feydeau. En voici la distribution par ordre d'entrée en scène. Jacques Morel, Morisset. Mademoiselle Renée Saint-Cyr, Léontine. Robert Vattier, Duchotel. Véronique Nestin, Babette. Guy Bedeau, Gontran. Marcel Vallée, Cassagne. Madeleine Lambert, Madame Latour. Maurice Jumiot, Bridois. Pierre Lafelle, premier agent. Jean Lemartrou, deuxième agent. Mise en scène par Jean d'Arcante, régisseur général de la scène, Maurice Frégnaud. C'est André Rançon qui assurait la présentation de notre transmission. Cette retransmission de Monsieur Chasse a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 9 octobre 1955, époque à laquelle, vous l'avez remarqué, on prononçait Guy Bedeau. Mais il s'agissait bien des débuts de Guy Bedos, que l'on aura reconnu. Vous pourrez réécouter Monsieur Chasse en ligne ou télécharger durant un an cette pièce sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».